sur Énergie. Allez, petit champion du monde de l'actu. J'ai le temps d'en faire deux. Ouais. Allez, on va. De toute façon, c'est trois actus qui vont très vite. Champion du monde, c'est un bar. Une pétition a rassemblé 2700 signatures contre l'ouverture d'un bar au sein d'une ancienne chapelle désacralisée. Vous savez qu'il y a plein de chapelles et d'églises qui sont à vendre. Vous pouvez habiter dedans. Beaucoup, beaucoup. Elles sont désacralisées parce que les communes ne peuvent plus les entretenir, tout d'accord. simplement. Vous pouvez habiter dans une église, si vous le voulez, ou dans une cathédrale, oh, si vous flip, appelez Bordas, hein. pour faire des photos de votre costume. Hors de question pour l'association Anjou Patrimoine de servir d'ennemis sur l'hôtel du bâtiment classé monument historique, surtout que le bar. Et là, c'est vrai que c'est abusé, devait s'appeler Levrette Café. Mais non, non c'est abusé. Le maire a dit qu'il préfère qu'il y ait ce projet plutôt que rien parce que l'entretien d'un bâtiment coûte 50 000 euros par an à la commune. Mais vous savez quoi ? Moi, je vois calmer tout le monde. Ouais. Dieu est amour. Et l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Comme la levrette. Le deuxième champion du monde, c'est Yves Bayon de Noyers. C'est le maire du Thor, de Thor dans le Vaucluse. Il a été flashé vendredi à 130 km/h au lieu de 80. Oh merde. La vitesse dépassée supérieure à 50. Alors ils ont pris la voiture, ils ont immobilisé la bagnole, ils lui ont pris son permis. Sauf qu'il n'a plus de permis depuis 2009. Oh non. Mais tu connaissais le maire de Thor ? C'est celui qui chante. J'avais un marteau. Voilà. Là, les fans de super-héros ont kiffé. La championne du monde toute catégorie, c'est la petite mamie, tout le monde en a parlé, qui a croisé Emmanuel Macron samedi. Le président s'approche, lui serre la main, lui dit « Oh monsieur Macron, c'est pas possible. Une petite bonne femme comme moi serrer la main du président de la République, c'est fantastique. » Et la mamie, elle se retourne vers Angela Merkel et lui dit « Vous êtes madame Macron ?» Oh, elles sont de la même génération en même temps. C'est vrai. Non, alors je le dis à le dire, madame, on ne confond pas Brigitte Macron avec Angela Merkel. À la limite, on peut confondre Angela Merkel et Donald Trump. Ça, c'est vrai. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. Let me hear. C'est le best-of de Koï sur Énergie. Vous êtes prêts pour les chansons qui font du bien ? Oui. Le docteur Jacob Jolidge, un chercheur de neurosciences cognitives, a mis une formule qui évalue la capacité d'une chanson à nous rendre heureux. En gros, ces feel-good songs, comme on les appelle, sont calculés à partir de certains critères objectifs, comme le tempo, le contenu positif des paroles, ça on s'en fout, on parle pas anglais, et l'utilisation d'une tonalité majeure. D'accord. Car en gros, faut faire des un peu. Oui, bon, je vous les fais écouter. Oui, vas-y. Allez, on y va. On y va. Ils sont dans l'ordre ou pas ? Voilà. Queen. Quoi, Miko, ça te rend pas heureux ? Je la déteste. Ah, ah ouais. Les Beach Boys. Ah ouais, ça ouais. Billy Joel. J'adore. Ah, celle-là, tout le monde chante ça. Get a wedding in a brown. Eye of the Tiger. Ça, tu mets ça quand tu cours plus vite. Ah, oui, c'est vrai. Tout. C'est tu sais quoi, dans ta pite, t'en peux plus. Les trois dernières minutes, tu sens que tu vas pas les passer. Tu mets ça, mec, t'es Rocky. Tu te taperais dans un jambon qui pend. Ah. On continue. Robbie Williams. Si. Je connais pas ça. Ah si. Génial. Cyndi Lauper. Bon Jovi. C'est très ricain. Ah, je l'adore ça. Celle-là. T'aimes bien Bon Jovi ? Laisse le refrain. Non. Je veux bien, moi. Attends, attends. C'est sérieux, là. Ouais, écoute, là. Là, là, là. C'est Good Feeling, Coco. D'ailleurs, vous expliquerez à notre producteur où est le refrain dans la chanson de Bon Jovi. Hein. D'accord. Parce que les mecs, il a des oreilles en plomb ou quoi, le mec ? C'est ça le refrain de la chanson de Bon Jovi. Il va lui mettre un petit peu. Il va lui prendre entre là et là et choisira. Ah oui. 9e Gloria Gaynor, des chansons qui font du bien. Et 10e. Évidemment. Moi, je croyais toujours que c'était en rapport avec Rocky 3. Et je croyais qu'il disait. Tu sais comment il s'appelle le méchant dans Rocky 3 ? Clubber Lang. Je vois pas ce que vient foutre Clubberland là-dedans. Bon, vous avez une belle patate, vous êtes en forme. Oui, tranquille, il y a plein de nantes, faire des roulades. Ouais. Vous êtes dans la voiture, vous dites merci mon coco, grâce à toi, merci les embouteillages, passe crève. Et bien maintenant, voici les 10 chansons les plus déprimantes. Ah, non. Ah bah non. Ah là là. Oh. Radiohead. Oh. Si vous avez des problèmes en ce moment, n'écoutez pas jusqu'au bout. Hein. Coldplay. Ouais. Is. Ah, celle-là, elle est badante. On se fait une petite folie avec Jacques. Ne me quitte pas. On se finit avec Adèle. Ouais. Oh, elle est jolie, celle-là. On boit avec Amy Winehouse. On se jette sous un train avec Louane. On se pend avec Daniel. Par-dessus râpé. Ah là là. L'hiver, l'été. Et on saute de la tour Eiffel avec Léo. Le temps. Voilà. Si vous avez été jusque là, si vous pouvez passer un bon week-end. Les sons US c'est positif, les sons français c'est négatif. Ah ouais. Ah ouais, les sons US c'est. Et nous 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée. Cette lune, les yeux, pour que nos plumes. ses meufs et rendre fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Best of the Koi sur Énergie. Les conseils anti-gastro, 1 million de personnes vont avoir la gastro, hein, c'est pas une blague. Attention, t'as ramené des bonnes notes, sinon t'auras la gastro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez tous les bons conseils ou se pas? Se laver les mains. Oui, absolument, il faut se les laver souvent. Éloignez les brosses à dents les unes des autres, parce que si vous mettez les brosses à dents dans le même verre, si vous vous brossez les dents, vous mettez à côté de votre chérie, vous avez le virus de la gastro, bon bah voilà, oui, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Utilisez des mouchoirs en... Papier. À usage unique. Eh oui, c'est assez rare de recycler multiple. Son multiple. Voilà. Et puis évitez de vous toucher la bouche et le nez. Une fois que vous vous êtes lavé les mains, vous touchez la bouche. Évitez fesses, nez, bouche, tout ça. Non, mais c'est vrai, il a raison. Évitez fesses à vous, bouche que quelqu'un d'autre. Enfin, évitez tout ça. En gros, dans cette période, mais évitez de toucher quelqu'un. C'est quand même globalement ce qu'il y a de mieux. Voici la compile d'ailleurs de la gastro pour rendre ça un petit peu mieux. D'ailleurs, le problème avec la gastro, c'est la double. C'est là des fois que ça sort. Bah oui, parce que des fois ça sort. Oh. Mais aussi. Oh. Alors, j'ai la chanson de la gastro du haut. Pousse en avant, pousse en avant. Moi, j'ai aussi celle de derrière. Pousse en arrière. Bon, vous amis, on se trouvait que Chick et Chack, c'était joli comme nom. La chanson des produits laitiers en période de gastro. Mauvaise idée. Pourtant les gens m'avaient dit. Ah ouais. Réfléchis, prends ton temps. Mauvaise idée, par contre, la chanson du riz en période de gastro. Bonne idée. La chanson que tu cries quand ça vient et que tu vois les toilettes au loin. La chanson que tu chantes une fois que t'es en place à l'intérieur. On a besoin de... Ah, c'est vrai que tu te sens bien, c'est vrai, c'est vrai. Que les secondes soient des heures. C'est pas le moment où tu ferais une story Insta, mais tu te sens bien. La chanson si quelqu'un veut te piquer ta place aux toilettes. Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou badou. Voilà. Je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Ah non, quand tu l'as la gastro, le mec qui te pique la place, tu le tues. La chanson de tes potes qui attendent derrière la porte. Je vous prie. On va retourner le dos, se boucher les oreilles. Attends, je peux le remettre. Le mec qui est derrière la porte. On va retourner le dos, se boucher les oreilles. En fait, la chanson qui résume bien la gastro. Ça sort, ça sort comme ça sort, laisse le main. Allez. Ça sort, allez, tout le monde en voiture. Ça sort, laisse le main. Ça sort, mais bon, la plupart du temps, c'est. Oh non. Pas de moi,

Ah bah c'est froid, hein, je suis désolé. Ah oui, hein. C'est vrai. C'est libéré, c'est la reine des neiges. Je parle d'un régime contre le froid, tu me mets la reine des neiges. Mais oui, parce que c'est un régime contre le froid. En gros, en digérant des protéines, la température corporelle augmente plus rapidement qu'avec des glucides ou des lipides. Ne pas marcher les mains dans les poches, on a tous tendance à faire ça. Oui. Non, si on marche en faisant faire à nos mains des mouvements de balancier réguliers, ça permet mécaniquement de réchauffer notre corps. Donc si on réchauffe notre corps, on enlève des calories, en plus on peut maigrir un petit peu. Et enfin, évitez de prendre des bains. Parce que contractez vos vaisseaux et vous ressentirez bien plus la différence de température. Pas de bain chaud. C'est pas bien le bain chaud, c'est pas un bon truc. Et enfin, dormir suffisamment. Le corps reposé pourra concentrer ses efforts pour lutter contre le froid. C'est bien, non ? Ouais. Sinon, bon, j'ai eu un truc plus basique, dormir dans un four. C'est dangereux. Mettez à 20 degrés, hein, mettez au minimum. Mais endormez-vous avec une pomme dans la bouche quand même, ça peut être sympa. Voire faites une micro-sieste. Une sieste dans le micro-ondes. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. Zap Télémico, il y avait quoi ? Hier sur France 5, dans l'émission C'est Politique, petit problème de micro qui n'était pas branché. Oui. Pas pratique quand on fait de la télé. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est rien à foutre. C'est que personne ne le dit. Mais personne. Écoutez. Et puis Luc, parce que ça a aussi existé ce week-end, on va parler de la radicalisation d'une partie de ces manifestants. Oui, de certains militants gilets jaunes qui ont agressé cette semaine des journalistes et des députés. Vous lui dites pas là ? Non. Personne lui dit. Cagoulés. Non. Ce sont introduits dans la. C'est pas le bon bouton, Michel. C'est pas celui-là non plus. Voilà. Personne lui dit. C'est pas. Mais qui est passé ? On ne vous entend pas. Petit fou rire de la présentatrice de la météo sur la chaîne CNews. ce flux de sud-est qui a tendance un petit peu à bloquer l'évacuation des eaux. C'est pourquoi vous aurez quelques inondations, notamment dans le Gard. Le Vice est actuellement sous surveillance. Les températures fraîches ce matin, jusqu'à 13 degrés. Et au niveau de la clope, on est comment? C'est news, on peut fumer dans les locaux? C'est quoi le deal? On a le droit? Non, parce qu'Annie Girardot va pas tenir longtemps là. L'autre, elle a 25 ans, c'est Jeanne Moreau. Bah, c'est bon, les cumulonimbus, là, ils arrivent. Mais elle était peut-être malade. Excusez-moi. Ah, il y a un bleu en Bretagne, c'est moi. Elle nous a fait des glaviots en riant là. Oh, un Gremlins. Ah, ça donne envie de regarder la météo. Et quoi d'autre? On continue dans le rire, c'était hier soir dans le Canal Football Club sur Canal+. Tovin ne marque pas contre les gros clubs, mais Marseille ne gagne pas contre les gros clubs. C'est un petit peu... on se mord la queue. Restons sur ce débat. C'est mal, non, moi, j'y arrive pas. Hein. J'ai essayé. Allez, c'est bon, vous allez déraper, là, je vous connais tous. Ah, c'est l'humeur de Pierre Ménès. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Il m'a dit t'es où, je le rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, t'as ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Sur Énergie. Une étude réalisée par Le Point, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Le Point a donc fait le top des départements les plus chauds de France. Et les plus souples, visiblement. Donc, alors, bon dernier, je vais déjà vous dire qui est bon dernier. D'accord, que vous le savez. D'après vous, qui est le dernier? Aurillac? Non, le Aurillac. Département. L'Aisne? Non, c'est la Creuse. Ah ben oui, la Creuse, voyons. Ah ben... C'est le dernier. Voici les 5 premiers. 5e, le Val d'Oise. On les embrasse, bravo. 4e, le Rhône. 3e au classement des départements les plus consommateurs de sextoys. La Haute-Garonne. Ah bon ? La Haute-Garonne. La Haute-Garonne. La Haute-Garonne. Deuxième, les Hauts-de-Seine. Ouais, c'est ah, 9-2. Représente 9-2. 9-2 sur Seine. Vas-y. 9-2. Et numéro 1. Allez, je vous écoute. À Paris. Moi, je le trouverai jamais. La Bretagne. Vous me le trouverez jamais. Numéro 1, le Doubs. Le Doubs. Besançon, numéro 1 de vente de sextoys. C'est non. Un truc de fou, qui aurait cru? Ah, non, arrête, mais pas bah, ça. Le Doubs. Ça bouge, Besançon, t'es fou. D'accord. Apparemment, il y a tellement de sextoys là-bas, il paraît qu'il y a plus de rabbits que de vrais lapins. Ils sont faciles à repérer, hein. Ils sortent des champs comme ça, mais ils font la tête qui tourne. Tu tires dessus. Par contre, c'est comme les sangliers. Si tu le rates, il se vient dessus, et là, mais je peux pas vous dire la suite. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. I'm feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. 17h-20h. C'est le best of the Koï sur Énergie. Qu'est-ce que les stars en pensent de la télévision? On se fait une connexion? Oui. Connexion, normalement ça marche. Là. C'est bon. Ah, on est connecté. Attendez. Oui, Arthur. Ouais, salut, c'est Arthur. Samedi, bon bah tout est permis, les amis. Je serai sur les Champs-Elysées, je tiens à le dire. Vous, Arthur? Bah ouais, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Des 10h du mat, ça veut dire quoi, vous aussi, Arthur? Qu'est-ce que ça non, veut dire? On se doutait pas que. Ouais, bah non. Bah, dès 10h du matin, j'ai rendez-vous chez Mercedes. Pour ma nouvelle bagnole. Ah bah oui. Après, je vais passer chez Vuitton acheter un sac à main pour ma chérie. Et après, sur les Champs-Elysées, j'ai brunch au Phuket. Bon, enfin, c'est plutôt ambiance gilet jaune sur les champs samedi. Gilet jaune? Ouais. C'est où ça? C'est la nouvelle collection Hugo Boss? Ah bah, je passerai voir les gars, merci du tuyau. Oh, mais quel burde celui-là! Oh, il a rien compris! Ouais, samedi, c'est grosse manif, les chéris! Et qui c'est qui va faire les merguez? Eh bah, c'est Baba, les gars! C'est Baba! Et j'ai une idée de tarba, les frérots! Tu prends ta merguez, tu lui mets deux filets de boutarde sur les côtés, et bim! Ça te fait la merguez gilet jaune! Je suis un génie, les chéris! Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,

Ensuite, 9e, la jalousie. Oh là là, ah oui, c'est sûr. Ah oui, bah oui, oui. Évidemment, ce serait beaucoup plus sympa dans un couple si la jalousie était un sujet de rigolade. Dis donc, c'est qui cette traînée qui t'envoie des messages, ta maîtresse? Oh, quel déconneur tu fais, bébé. Bon, ça se passe pas comme ça. 8e position, la belle famille. Gros sujet d'engueulade, la belle famille. Ça dépend. C'est vrai, en ce moment, c'est Laetitia Hallyday qui en parle le mieux de la belle famille, mais sinon, ça, vraiment, ça dépend. L'argent, s'il y en a un qui est radin et l'autre dépensier, c'est sûr que ça va créer des conflits. Et si les deux sont dépensiers, ça crée des couverts. Ça crée des conflits, ça crée des couverts. Ah ouais, ah non, d'accord. Ok, sort de score. 6e position, les tâches ménagères. Vous voyez ? Ça aussi, c'est un sujet. Les hommes qui ne font pas assez les tâches ménagères, et ce sont les filles qui font tout. Moi, perso, je vous le dis, j'aime bien faire la lessive. Au début, je maîtrisais pas trop la lessive. Ouais. Je faisais tout rétrécir. Du coup, tous les big gym de mon fils sont habillés en Hugo Boss. C'est pas vrai, ça. C'est classe, ils aiment beaucoup. L'éducation des enfants, pour éviter ça, vous l'aurez compris, le mieux c'est de pas en faire du tout. La vasectomie. Ni de l'éducation des enfants. Non. Les amis, voilà, parce qu'à chaque fois qu'il y a des amis, forcément il y a conflit dans un couple. Vous voyez, celle que votre chérie appellera tes connards de potes. Ah, les fameux. Désordre, voilà, ça aussi ça crée un conflit. Moi, ça me rend fou, le désordre. Oui. Moi, je vis tout seul, je suis célibataire, je m'engueule même moi-même quand je laisse René. Deuxième, les ex, ça crée des conflits dans un couple. C'est normal. C'est difficile d'oublier une ex, non? Ouais, un peu. Ou alors il faut avoir le stylo des Men in Black. Oh, bien. Sinon, on n'oublie pas. Et enfin, d'après vous, quel est le numéro 1 des causes de dispute? Numéro 1, tout truc confondu. La télévision. Non. Les sites porno. Non. Les jeux vidéo. Non. Insta. Faites Facebook, plus simple, les réseaux sociaux, tu as raison, Stouff, bravo. Le fléau conjugal, c'est la base de deux embrouilles sur trois dans les couples. Aujourd'hui, vous imaginez un monde sans Facebook, un monde sans Instagram? Ça serait la paix dans le couple, il n'y aurait plus de soucis. Bon, ça reviendrait à. Viens faire la vaisselle, arrête de discuter avec tes connards de copains qui viennent. Bon, on se fera engueuler quand même. C'est clair. On se fera engueuler quand même, mais ça serait plus simple. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. But she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes. She's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but daisy. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no. Then saying yes, yes, yes. Cause she messing with. Yeah. c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Delphine, tu es prothésiste angulaire. C'est ça, oui. Tu fais du dessin sur les ongles, tout ça, là ? On peut dire ça. Oh. Ah. Moi, tu peux peut-être m'aider, Delphine, je me ronge beaucoup les ongles. Est-ce que tu as une astuce prothésiste angulaire pour arrêter ? La volonté. Ah. Ah. Merci, Delphine. Delphine, ne le prends pas mal, mais on avait déjà la réponse. Hein. Comment on fait pour être champion de tennis ? La volonté. Manu dans le 6-9. Manu, allez ! 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Règlement sur énergie.fr. Gagnez en exclusivité sur Énergie, votre super séance en avant-première de Nicky Larson et le parfum de Cupidon en présence de l'équipe du film. Connectez-vous dès maintenant sur énergie.fr et gagnez votre super séance dans votre ville, juste pour vous et vos amis. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud, le 6 février au cinéma avec Énergie. It's music only. 17h, 20h. C'est le best of de Koï sur Énergie. Le classement des plus beaux accidents, je sais pas si je peux dire les plus beaux, des accidents les plus dingues survenus pendant une séance de masturbation. Alors écoutez bien, je vais employer que des mots scientifiques. Hein, alors masturbation, mais garçon ou fille ? Garçon. Garçon. Ah non, j'ai les deux, pardon. J'ai les deux. J'ai mixte. Okay, d'accord. C'est fille comme garçon, c'est mixte. C'est mixte. C'est mixte. J'ai les deux, c'est mixte. Un spaghetti dans l'urètre, c'est un jeune italien de 20 ans. Non. Qui avait vu certainement que sexe et nourriture, ça allait bien ensemble. Et qui a voulu évidemment mettre un spaghetti à l'intérieur de son truc. Évidemment, vous imaginez les dégâts, le spaghetti a cassé. Parce qu'il était cru, parce que cuit, ça rentre pas. Et donc ça a cassé, résultat opération, hôpital, mauvaise idée. C'est gâché surtout. Sextoy et 6 sauteuses. Non, c'est pas un remix de Massacre à la tronçonneuse. Ils étaient consentants, c'est un couple de bricolos du dimanche. Ils ont vu un sextoy, 6 sauteuses. Ils se sont dit, mais si on met le sextoy sur la 6 sauteuse. Ah, pour la puissance. Mais oui, sauf que par définition, une 6 sauteuse, ça sert à scier. Ouais. Voilà, donc ça a scié le zizi en plastique. Non, n'ayez pas peur. Ça a scié le sextoy. Ils se sont dit, mauvaise idée. Une fracture du pénis, les amis. On en parle beaucoup. Et bien, sachez que 60% des fractures du pénis arrivent pendant une séance de masturbation solo. C'est quelqu'un qui va trop fort et il se casse le truc. Trop de masturbation, tu l'as ? Masturbation. Un homme de 29 ans avait appris un goût trop prononcé pour la masturbation. Il a dû se rendre à l'hôpital, il avait des vomissements, une poussée de fièvre. Il a contracté la gangrène de Fournier. Ah. En gros, une infection du scrotum due à cause des trop répétés. Ce qui avait fait des lésions internes sur le pénis, laissant libre cours à toutes les bactéries. Faut pas le faire trop. Oh. Bouteille et goulot, non, pas bien. Non, il avait de l'imagination, il avait 27 ans. Trop d'imagination, il a mis son zizi dans un goulot de bouteille en plastique. Non. Ça a commencé à gonfler, il a pas pu l'enlever, il a fallu aller aux urgences. Marteau. Et t'as l'air fin quand t'arrives comme ça. Oh là là, et tu dis que c'est un accident. Eh bien, comment dire que ce qui arrive est un accident ? Marteau et vagin, une dame de 77 ans en mode warrior est arrivée dans un hôpital en bus et a demandé au docteur de lui enlever le marteau qui était coincé à l'intérieur. C'est la meuf de Thor. Ah oui. Non. Elle faisait du bricolage, elle est tombée dessus. Dans quel sens ? Un accident bien bête. Non, mais l'intégralité du marteau, les à amis. Tout ? Eh oui, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'il a fallu un médecin pour aller le chercher. Un recto. Alors ça, c'est la pire de toutes. Le monsieur avec son copain voulait avoir un sextoy moulé à son intérieur. Ouais. Donc il s'est eu une bonne idée. Il a dit, mais donc il faut le mouler à l'intérieur de moi. Bah oui. Pour créer. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il a 20 ans ? Aidé de son compagnon, ils se sont coulés une dalle de béton dans les fesses. Mais non. Pour avoir un sextoy pillé à sa taille, seulement ça a commencé à sécher. La douleur est arrivée, ça a été horrible, ils ont dû aller à l'hôpital. Ne faites pas ça chez vous. Non, je m'adresse à mecs qui font du bâtiment, là, qui sont dehors. Non, n'y pensez pas, hein, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Bon, franchement, moi, à part ça, la masturbation est un acte naturel que vous pouvez pratiquer à volonté. Voilà, c'est la conclusion. Il n'y a pas de restriction particulière. Faut pas non plus abuser. Moi, je propose le test Mike Horn. C'est quoi ? Vous mettez de la paille sèche. Ouais. Vous faites ce que vous avez à faire. Quand ça commence à fumer, vous arrêtez. Ah oui, c'est un bon signal. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Si seules, quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et j'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Best of the Koi sur Énergie. Voici la différence entre le porno et la vraie vie. Je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a remarqué, et il y a un chiffre qui est sorti, l'âge où on regarde son premier porno, le chiffre est sorti, c'est 11 ans. Ah, ce qui est beaucoup trop tôt. Il n'y a rien de criminel à regarder un porno. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont majeurs, ont eu l'œil qui se baladait un petit peu, ou ont regardé des cassettes bien avant 18 ans. Mais 11 ans, c'est beaucoup trop tôt parce que ça c'est confusant pour les plus jeunes qui pensent que ce qu'ils voient à l'écran, quand ils vont faire l'amour, ils vont devoir le reproduire. Ça, ouais. Et non, c'est une fiction. Il le dit sur Canal+, d'ailleurs. Oui. Moi qui croyais que c'était un reportage, non, je croyais que c'était zone interdite. Ouais, et parfois, des fois, c'est zone interdite. C'est le cas de le dire. Mais non, très peu de zone interdite dans le porno d'ailleurs. Alors, voici la différence entre le porno et la vraie vie. La taille du pénis, les amis. Dans les films porno, les acteurs ont tous des trucs à la Rocco Siffredi. Ouais. Dans la vraie vie, la taille du pénis en France est entre 13 et 15 cm. L'épilation, là encore dans le porno, les femmes sont parfaitement bien épilées. Alors que dans la vraie vie, il reste des petits trucs, des fois un peu aléatoires, voire non pas le ticket de métro, mais le plan de toute la RATP de Paris. L'excitation. Ah bah, le passe Navigo. Dans la vraie vie, on met environ 10 à 20 minutes pour être excité. C'est comme ça, femmes comme hommes. Alors que dans les films porno, vous l'aurez remarqué, ils sont même pas touchés, ils sont à peine dit bonjour, que ça y est, ils sont déjà partis. L'orgasme, dans les films porno, les acteurs en ont à tous les coups et rapidement. Sauf que dans la vraie vie, parfois, beaucoup de femmes qui nous écoutent n'ont jamais atteint l'orgasme. Comme quoi, c'est simulé dans les films. La petite porte, la fameuse zone interdite. Dans le porno, c'est presque systématique, alors que dans la vraie vie, 12% des filles pratiquent ce temps. Ah ouais. 12%, c'est peu. L'approche dans la vie, personne n'est jamais conclu direct par un « Bonjour madame, est-ce que je peux vous ramener la cheminée ?»« Bien sûr, mon mari est parti !» Voilà, ça n'existe pas. Le nombre de positions par acte, Pareil, dans les films, il y a des chorégraphes genre Danse avec les stars qui doivent faire des trucs de dingue, alors que dans la vraie vie, ça se limite souvent à 3 positions par couple. Les femmes bisexuelles. Dans le porno, elles le sont toutes, alors que dans la vraie vie, elles ne sont qu'après 3 mojitos. Et encore, faut négocier. Les préservatifs, voilà, sur le porno internet, ils sont visiblement en rupture de stock, puisqu'il y a beaucoup de films où il n'y en a pas, alors que dans la vraie vie, vous devez en mettre. Le bruit dans le porno, les cris des filles qui fissurent les murs au bout de 3 secondes et à peine il lui a touché la main, alors que dans la vraie vie, ça peut ronfler. Et enfin, la fin d'un film porno. En 30 ans de porno, on n'a jamais vu un mariage à la fin. Jamais. Au pire, ils s'embrassent, peut-être voire même pas. Pire, il ne se serre même pas la main. Par contre, le monsieur dit toujours au revoir avec un truc sur la joue de la dame, ça ne le dérange pas. Non. Et ça aussi, c'est un film dans la vraie vie, ça ne doit pas exister. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris des trucs. Mais c'est vrai, pas un mariage. Bah non. Vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu à la fin d'un film porno, nous vous invitons à la cérémonie au mariage de Jean-Pierre et de Rocco. Non, jamais. Alors que dans la vraie vie, ça arrive. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. And tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie give on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Best of the Coy sur Énergie. Allô, Francine. Oui. Ah, bonjour Francine, devine qui c'est. Qui c'est? Oui. Qui est-ce? Eh ben oui, devine qui est-ce. Je n'entends pas. Je dis devine qui c'est. Ah non, je sais pas. Qui appelle pour dire bonjour? Non, je comprends pas. Bah, qui c'est? Dis-moi bonjour, qui tu es? Eh ben, je suis de la famille, devine qui c'est. Je sais pas, la voix, je comprends pas. Bah alors, fais un effort, qui ça peut être de la famille? De la famille, on est tellement nombreux. Ah oh, ben oui, ben ça, hein, c'est pas moi. C'est un homme ou une femme? C'est un homme, évidemment. C'est un homme, bien sûr. Qui mon, ça mon peut petit, mon petit-fils. Mais oui, c'est moi. Tu m'as pas reconnu. Non, non, non. C'est pas Fabien qui appelle, si, non? C'est Fabien. C'est mon nouveau téléphone qui fait une voix bizarre. Ça va? Et pourquoi tu fais cette voix? Eh ben, parce que c'est Halloween. Eh, hey, c'est Halloween, mamie. Mon Dieu, mon petit... Non, c'est pas possible, non. Pourquoi? Je reconnais pas ta voix. Ben si, c'est moi, enfin. Vas-y, pose-moi une question, n'importe quoi, je réponds. C'est moi. Alors, où c'est que tu es? Eh ben, chez moi. Non, mais où? Eh ben... À Paris ou en Corse? En Corse. Ah, tu es en Corse, tu vois. Eh oui. Eh ben oui, tu vois que c'est moi. Ah bon. Alors, c'est toi qui m'as appelé l'autre soir? Non. Non? Non, non, c'est pas moi. Ça va? Non, pas trop, ça va pas. Mamie, elle est fatiguée. Oh, mamie, alors? Eh oui, beaucoup. Eh oui, je fais de l'arthrose. De l'arthrobat, mamie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mamie, elle est malade. Oh, mamie, non. Alors, moi, je veux te garder encore une trentaine d'années, mamie, hein? Eh, tu sais, écoute-moi. Oui. J'ai eu 89 ans hier. Et j'ai oublié de le souhaiter. Eh ben oui, 89 ans, ta mamie. C'était hier l'anniversaire, mamie? Oui, 89 ans hier. Alors, mamie, toute seule, mamie, personne mariée souhaitée. Mamie, mamie, ça n'est pas Fabien au téléphone. Ah bon? Moi, je m'appelle Coé. On est sur Énergie, la radio dans toute la France. Ah, et on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et je voulais vous souhaiter un bon anniversaire avant que vous me raccrochiez à la gueule. Non, elle n'a pas raccroché. Vous êtes là, là. Ah, si, si, oh, si, si, si, si. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago, Tiago, Tiago. Le meilleur de Coé, c'est maintenant. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Ça va Koé, t'inquiète. Bon Christelle, donc qu'est-ce que je peux faire pour que mon bananier n'ait plus cette tête de déprimé qui est en train de mourir de seconde en seconde? Bah que certains cons arrêtent de vendre des conneries. Eh bien ça tombe bien, on va appeler le con qui m'a vendu des conneries. Mais non, on vit pas tout en plus. On va s'expliquer, t'inquiète pas, on va s'expliquer. Non, il est adorable, il est en ligne, celui qui m'a vendu ça. Damien. Ouais, ça va. Ça va Damien, bon, Damien. Ça va. Damien, je te présente Christelle, horticultrice énervée. Et moi, Sébastien, heureux propriétaire de deux bananiers qui sont en train de mourir de seconde en seconde. Qui se laissent mourir. Damien, qu'est-ce qui se passe avec ces trucs-là? Faut mettre du plastique. Faut mettre du quoi? Plastique. Faut mettre du quoi? Faut mettre des plastificus, au moins t'as pas de problème avec. Mais tu m'as vendu des bananiers, tu me dis faut mettre des ficus maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux? Je te jure, les plantes elles font crrr. Il aime son bananier. Tiens, hein. Les feuilles elles font ce bruit là. Je vous jure que c'est vrai, ce matin j'ai normal, il sèche. Pourquoi Damien? Parce qu'il faut les fumer après. Faut les fumer. Damien, au prix où tu m'as vendu le bananier, je n'accepte plus les vannes. Il y a un temps pour la rigolade et le consommateur reprend. Calme-toi, j'ai pas payé. Damien. Ils sont pas payés encore. Damien. Selon la fin de cette conversation, ils sont peut-être pas payés non plus. Alors, Damien, je voudrais juste savoir si c'est pas normal ça. Non. L'hiver, c'est normal. Mais quel hiver, si tu m'avais dit. Mais Damien, si tu m'avais dit, je vais te vendre deux arbres. Il y en a un, il fait 2 mètres. Si tu m'avais dit que tu vas avoir pendant tout l'hiver un arbre mort quand tu te lèves le matin, tu crois que j'aurais mis ça dans mon salon? Mais il sera pas mort, les feuilles du bas vont rester vertes. C'est décoratif. Ah oui, attends 6 mois et puis il sera en pleine forme. Oui. Et t'as vu le mec qui t'a fait un petit en plus à côté de lui? Mais non, il est en train de crever aussi. Le petit. Oh l'enfant. Vous m'avez changé le pot, depuis que vous m'avez changé le pot, c'est pire. Il est super sympa, Damien. Christelle, qu'est-ce que je peux faire? Mais déjà, rempote pas un bananier, espèce de dégénéré. Mais calme-toi, Christelle. Christelle, allez au taquet. On rempote pas un bananier. Non, mais Christelle, elle rigole aussi. Hein. Ah bon Christelle, ouais. Quand le pot est trop petit, si on rempote. Je vous laisse 10 secondes chacun pour me dire ce que je peux faire. Mais non, on dépote pas un bananier, espèce de dégénéré, espèce d'abattardie. C'est pour toi, Jeff. On va se mettre en pleine terre. Ah oui, en pleine terre, dans un appartement? Sur une terrasse. Mais c'est pas la faute si tu vis en appartement. Mais c'est pas moi, c'est chez Koé, m'engueule pas. C'est lui qui veut les plantes. Il est pas foutu d'avoir de la terre dans son appartement. Hein. Alors tu me réponds pas, tu me manques pas de respect. Hein. Je vais chercher un Nouna, on va faire balance. Mais tu veux pas être en pleine terre à l'intérieur? Chérie, tu peux régler le problème. Chérie, alors là on est en balance ton poste, les gars. S'il y a un souci, je viens courber aussi, les gars. Je vais chercher des gilets jaunes, il manque trop de gilets jaunes dans le décor. Allez, ah bon les gars, comment ça se passe là? Hein, Christelle, tu vas commencer à te détendre là, t'es en direct ma chérie dans Balance ton poste. J'ai le ça et ça au cul et je commence à en avoir marre. J'adore Cyril Hanouna. Bon bah ça alors, tombe bien. Je l'adore. Eh bah ça et tombe bien. Et j'adore Koé aussi. Alors on vend pas des conneries à Koé. Christelle, je te fais un bisou. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are saying tonight. Cause I need your green light. Day and night. Say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night. Say that you're mine. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. On a gardé le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. J'ai envie d'appeler le président. Ah. En personne? Oui, parce que souvenez-vous, la dernière fois, on a voulu appeler l'Élysée. Oui. Ça s'est pas bien passé. Dès qu'on dit c'est Koé, ça raccroche. Oui, t'aimes pas. Ça, non, c'est pas qu'ils m'aiment pas. C'est que je pense qu'on va se mettre un peu leur ils place. Ils ont pas que ça à foutre. C'est bien résumé. Non, je pense qu'ils sont un peu surchargés de gens, y compris des gens. Moi, je fais pour déconner. Mais y compris des gens très premier degré qui doivent dire pas chez moi Macron, il est pas disponible, c'est, ah, avec, c'est que moi qui paye avec mon argent, il y a des gens comme ça. C'est sûr. Je pense que standardiste à l'Élysée, tu dois voir passer des trucs étonnants. Moi, je propose que nous appelions Emmanuel Macron. D'accord. J'en ai trouvé trois en France. Ok, ok. Ah ouais. Ok, d'accord. Voilà. De quel côté On est dans le nord. Il y en a dans le nord, en Alsace. Ok. Il y en a que deux d'ailleurs, il y en a pas trois, avec deux. Ouais, ça va gueuler, là. Non, mais déjà, je vais lui dire bonsoir, la politesse, hein, normal. Normal. Peut-être que ça va être madame, non? Ah oui. Brigitte. Elle est couchée. Quelle heure il est? Bah oui. Ouais. C'est pas bien, toi. Quel méchant. Si elle écoute et qu'elle va en coller. Madame Brigitte, vous en collez une, venez de 22 rue Boileau. Votre correspondant n'est pas joignable. Ah, tiens, Brigitte. Oui. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci, Brigitte. J'appelle un autre Emmanuel. Je dis pas, Brigitte. Oui. C'est vrai que c'est une jolie voix, ce qu'on vient d'entendre. Oui, oui. Proche du T-Rex. Ça, c'est joli. Allô. Allô. Monsieur Macron. Oui. Bonsoir, monsieur Macron. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Macron. Monsieur Koé à l'appareil. Enchanté. Alors, bonsoir. Je me permettais de vous appeler monsieur Macron avant toute chose. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous n'étiez pas en train de dîner? Non. Alors. Il se trouve que loin de moi l'idée de vous déranger à la maison. Ça, c'est pas le but. Mais vu le refus de dialogue venant de votre bureau, mes camarades et moi-même avons pris la décision de vous appeler à la maison. Oui. Voilà. Mais vous êtes qui? Alors moi, je m'appelle Koé. Allez, Manu, tu me connais, fais pas genre. Ah, Koé de la station. De la station, oui, c'est la station Esso. La station Esso. Justement. Gisèle Samplon. Ou de la station Val d'Isère. Je suis à la station. Toutes les stations. Je fais tout, je fais tout. Alors, monsieur Macron. Il s'appelle vraiment monsieur Macron. Monsieur Macron. Oui. On n'est pas content. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, monsieur Macron, qu'on paye trop de taxes? Oui. Ah, vous êtes d'accord? Bah, bien sûr. Bon. Alors, vous avez quoi comme voiture, monsieur Macron? Moi, j'ai une Renault Laguna. Il roule français. Eh ben, il est obligé. Eh, en même temps, il nous aurait dit j'ai une Ferrari F500. Est-ce que elle roule au gasoil? Oui. Pas bien, monsieur Macron. Ah, c'est pas bien. Ça tue les gens, ça. Ouais, c'est dangereux. Mortel. C'est dangereux, dangereux. Combien le plein de gasoil, monsieur Macron? 70. Monsieur Macron, vous n'avez pas envie de nous rejoindre au défilé des Gilets jaunes? Bah oui. J'ai pas envie. Mettez un petit gilet. Il est cool, Manu. Mais oui, Manu, je vais vous appeler Manu. Manu, mettez un petit gilet jaune, rejoignez les gens. Je pense que vous arriveriez, vous descendez de la bagnole, Manu. Vous mettez le gilet jaune. Je suis avec vous. Mais les gens, vous êtes là. Je vous ai compris. Ah oui. C'est pas de vous. On s'en fout, ça marche toujours. Et là, les gens, ils diraient, oh là, il est cool. Hop, vous remontez en popularité. Bien sûr. Oui, mais moi, je suis Monsieur Macron, Emmanuel Macron, mais pas le président. Ah, ah bon? Ah, ah oui. Bon. Ah bon? Oui. Ah merde! Et vous me laissez parler depuis tout à l'heure? Non, il est humble, il est humble. Il est modeste. Hein. C'est pas grave, monsieur Macron. C'est pas grave. Voilà, on vous aime bien. Bah oui, bah si vous voulez, je descends, j'ai le jaune, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je vais quand même mettre votre chanson, Manu. C'est pas grave. Manu! Ce soir, oui. Tu danses. Allez, Manu! La nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses, au gilet jaune. Pas que t'y penses. Pense pas au gilet jaune. Allez, Manu, pense à rien. Hey, allez, viens avec nous. Allez, Manu. Ça ira mieux demain. Allez, prends Edouard avec toi. Monsieur Bololo. Allez, je vous embrasse, monsieur Macron. Il s'appelle vraiment monsieur Macron. Je vous embrasse, à bientôt. Oui, à bientôt, ciao. Et vive la France. Vive la France. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Téléchargez maintenant l'appli Énergie. Tous les hits. On est. Toutes les stars. This is Lady Gaga. C'est DJ Snake. On NRJ. C'est David Guetta. I'm Ariana Grande. My radio is Energy. Gratuite, sans abonnement, avec plus de 150 radios digitales. Et tous les podcasts de Manu dans le 6-9. Coé, le Rico Show, Mickaël et Domingo. Énergie, it's music only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, it music only. Salut, c'est Emeric. Pour moi, les fêtes, ça veut dire musique, ça veut dire danser, s'amuser, partager, délirer, encore s'amuser. Mais là où je ne rigole pas, c'est quand un pote qui a bu même un tout petit peu veut quand même reprendre le volant. Dans ces cas-là, je le scotche sur un fauteuil, je le pose dans un taxi, je lui pique son portable, je le dénonce à sa mère ou je jette ses clés de voiture. Mais pas question qu'il conduise. La fête, c'est un truc trop sérieux pour être gâché par un accident de voiture. Alors quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. I should have stayed with you last night instead of going down to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. Gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. best of de Koï sur Énergie. Ludivine, tu es prête? On va appeler ton ami qui s'appelle. Jonathan. Ça n'est pas mon ami. Jonathan va donc dans le centre Leclerc, c'est très précis, de Saint-Dizier. Mmh. Oui, c'est ça. Et donc il pique des petits trucs, il les bouffe et il planque le papier. Bah c'est ça, c'est un gros rapia. Par exemple, on sait ce qu'il mange un peu c'est des petits trucs quoi, c'est quoi, des Kit Kat, des petits trucs comme ça. Non, bah des fois il ouvre un paquet de d'Oreo. Non mais il se tape pas une choucroute, c'est ça que je veux dire. Il va pas, il se balade pas avec sa Strasbourg dans le. Non, mais tout le temps. Et puis même les fruits et légumes, quoi. Il passe et il faut toujours qu'il en mange, quoi. Ok, très bien. Tu as bien fait. Tu sais quoi? Tu as bien fait, Ludivine, de le dénoncer. Tu iras au paradis. Alors que lui ira en enfer. Je vais m'en occuper dans un instant, mais je voudrais qu'on me donne le nom. Je suis responsable de la sécurité du centre Leclerc de Saint-Dizier. Vite un nom. Monsieur Leclerc. Okay, les mecs qui Monsieur Leclerc s'appelle Leclerc. Leclerc, c'est obligé. Non, je ne serai pas Monsieur. Monsieur Leclerc. Charles Leclerc. Monsieur Charles Leclerc. Ouais, si, ça parle aux mecs qui aiment la guerre, quoi. Et en parlant de ça, vous avez vu cette honte? Avant que j'appelle, je sais que c'est Halloween et que demain beaucoup de gens vont se déguiser. Ouais. Vous avez vu aux États-Unis ce mec qui a déguisé son fils en Adolf Hitler? Ah oui, j'ai vu. Ah oh, si, j'ai vu. Lui-même s'est habillé en Asie. Voilà, et il a déguisé son fils en Asie. Voilà. Et il s'est mis en profil Facebook, hein, vraiment à la cool. Normal. Le gars fier du déguisement, la bonne taille, bien ajusté, il en était fier. Et c'est évidemment, vous doutez bien que ça fait un scandale. Ah oui. Et le gars, plutôt que de s'excuser, il dit bon. Bah quoi, je comprends pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils s'habillent en tueurs, en monstres. Pourquoi je. Oui, sauf que Freddy Krueger, il a tué des gens dans des films. Voilà, c'est de la fiction. Et bah, le gars, il a toujours pas compris. Il a dit non, mais moi, j'aime l'histoire. Ouais, je suis féru d'histoire. Le petit éclairé sur le côté, la moustache et les bottes. Vous êtes pas obligé, monsieur. Et le gars, je vous jure que c'est vrai, il n'a pas compris sa bêtise. Non, c'est hallucinant. Allez, je suis donc monsieur Char, puisque ça te fait plaisir. Ou monsieur Le Foncé. Pourquoi? Bah, Leclerc, Le Foncé. Ok, on l'a tenté, je suis pas sûr que ça marche. Philippe Lefonce. Ça se dit Lefonce. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, Philippe Lefonce à l'appareil. Responsable de la... Bonsoir monsieur, responsable de la sécurité du centre Leclerc de Saint-Dizier. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur, j'ai devant moi, on va pas y aller par quatre chemins. On va aller droit au but. Pas de chemin détourné. J'ai devant moi des vidéos où on vous voit en train de manger, monsieur, des paquets de façon illégale et totalement illicite au sein de l'établissement. Sur ce, plusieurs fois, est-ce que vous reconnaissez les faits, monsieur? Non, moi j'ai jamais fait ça. Monsieur, nous avons les vidéos, les témoignages, nous avons des logiciels de faciaux de reconnaissance. Et donc, nous savons que c'est vous, monsieur, nous avons les plaques, nous avons tout. Évidemment, sans régler, bien sûr, vous vous en doutez. Ah, ça a dû m'arriver peut-être une fois. Monsieur, ça s'apparente, je vais vous le dire, à du vol à l'étalage. Article 224C, alinéa 12.2 du Code civil, c'est du vol à l'étalage, monsieur. Est-ce que vous faites ça chez nous ou partout, monsieur? Non, franchement, ça n'est arrivé qu'une fois, si vous voulez. Non, monsieur, non. Oh, je suis monsieur, vraiment désolé. Monsieur, si c'était arrivé une fois que vous aviez mangé un pauvre paquet de gâteaux, monsieur, je me passerais même pas de temps à vous appeler, monsieur. Oh, la honte. Oh, la honte. Oui, monsieur, la honte. Et je risque quoi? Bon, déjà, monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits? Bah, oui. Voilà, est-ce que vous reconnaissez le fait que vous l'avez fait plusieurs fois? Oui. Voilà. Est-ce que vous le faites que chez nous ou partout, monsieur? Non, c'est arrivé que chez vous. Eh ben, merci beaucoup pour nous. Écoutez, c'est déjà bien de le dire. Est-ce que vous êtes diabétique, monsieur? Non. Non, parce que je demande ça, parce que vous voyez, en prison, je sais qu'il y a des menus pour diabétiques, mais en garde à vue, je ne suis pas sûr, monsieur. Donc je commence à... Parce que ça mérite la garde à vue, monsieur. Oh. Arrêtez, vous faites peur. Ah, monsieur. Monsieur, vous dépassez la limite de la loi, monsieur. Revenons donc au vol à l'étalage. Admettons que je suis sympa, j'en compte que 3. Récidive, oui. Vous risquez jusqu'à 2 ans de prison, 4 000 euros d'amende. Le remboursement de tous les paquets de gâteaux, ainsi que le remboursement des frais d'avocat du magasin, monsieur. Ah oui. Vous avez combien sur le compte en banque? Moins 500. Ça va être chaud. Ça va être chaud, monsieur. Je sais pas quoi faire, monsieur. Bah, je peux venir faire ménage, je non, sais pas. Monsieur, je vous appelle, je suis le responsable de la sécurité, monsieur. Je suis pas là pour faire des blagues. On essaie de trouver une solution qui évite la prison, monsieur. Ben, je peux vous aider à votre travail. Non, monsieur. Voyez, monsieur, ça ne compte pas. Nous avons de très bons salariés dans les centres Leclerc. Alors J'attends. Je sais pas du tout. Oui, je sais pas. Mais j'attends, monsieur. Je sais pas. Mais monsieur, j'attends. Je sais pas. C'est pas du tout. J'attends, monsieur. Monsieur, trouvez. J'attends, j'attends. Je ne raccrocherai pas tant que vous n'avez pas d'idée. J'attends, monsieur. Parce que pour voler, il y a des idées. Pour avoir ensuite, il n'y a plus personne. J'attends, monsieur. Ben, je viens vous rembourser et puis je vous offre un paquet à vous. Bien sûr que vous n'aurez pas payé, monsieur. Enfin. Monsieur, c'est grave. Oui, je sais. Je passe l'éponge, ceci dit. Oui. Si vous me chantez le papa pingouin, c'est un kiff personnel. Je connais pas vraiment. C'est un kiff personnel. Les paroles, c'est le papa pingouin. Le papa pingouin. Attends, laissez-moi finir, monsieur. Pingouin. Monsieur, je ne vous interromps pas quand vous volez les gâteaux. Le papa pingouin. Tout seul sur sa banquise. À vous, monsieur. Le papa pingouin. Je ne vais pas demander une récitation, Maurice Carême, là. Je ne vais pas demander une récitation, je vais demander une chanson. Il y a un air. Oui. Le papa pingouin. Ok. Nanana. Le papa pingouin. Reprends. Le papa pingouin tout seul sur son iceberg. En banquise, à iceberg, ça n'a jamais marché. Pas banquise, oui. Voilà, la tierce, vous me le faites avec la tierce. Allez-y, je vous suis. Allez-y, reprenez. Le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Putain, je l'ai plus. Bonjour, je m'appelle Coé, au fait. Moi, je me retourne, là. Je me mets dans mon équipe. Je le prends. Tu seras dans l'équipe. Pas de Mika, mais de Miko. Jonathan, c'était une vanne. Ludivine a balancé. T'inquiète pas, c'est pas le centre Leclerc, mais je te demande d'arrêter. Merci beaucoup. On est en retard. Il y a Angèle dans 3 minutes. Et qu'est-ce qu'elle gagne, Ludivine? Une PS4. Oui. Ah ouais, autant. Ou 4 PS1. Une PS4. Pour un paquet d'Oreo. Bisous, Ludivine. Je t'embrasse fort. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. c'est maintenant. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Comment faire Georges Brassens chez vous à la maison? C'est le truc de chanson de vieux. Georges Brassens, c'est le principe. Tu parles avec cette voix. D'accord. Et tu t'imagines avec une moustache. Oui, parce que la moustache, elle amène un son différent. Ouais, vous voyez, là, il y a la voix normale. Et là, avec le doigt, ça fait la voix derrière la moustache. Oui, on sent qu'elle est touffue. C'est pas pareil. Elle est touffue, une grosse moustache au poilu. Et donc, avec les morceaux de nouilles qui se mettent dedans. Vous avez jamais eu un oncle ou quelqu'un qui a de la moustache, une grosse moustache? Vous avez vu quand il mange, il y a des trucs qui restent collés dedans. C'est le garde-manger. C'est absolument incroyable. Donc, j'ai trouvé, et alors ça, c'est fantastique, j'ai trouvé la bibliothèque Georges Brassens. Oh! Est-ce que la guitare est accordée? Tu es Georges Brassens. Georges Brassens. Le sosie. Sosie officiel de Georges Brassens. On y va. Est-ce que je peux avoir une petite musique de fond permanente, s'il vous plaît? C'est toujours la même. Hein, toujours la même. Quel que soit le morceau. Brassens, 38 rue Gassendi, Paris 14e. Et la bibliothèque Georges Brassens. Pour connaître les horaires de la bibliothèque, tapez 1. Pour connaître les conditions d'inscription, tapez 2. Je vais avoir quelqu'un, bibliothécaire. Veuillez patienter, nous allons vous mettre en relation avec un bibliothécaire. J'aimerais réserver des livres. Ah. Bibliothèque Brassens, bonjour. Bonjour, c'est la bibliothèque Georges Brassens? Oui. Oui, bonjour, Georges Brassens à l'appareil. Je suis le sosie officiel et membre du fan club de Georges Brassens. Oui. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous louer des livres et je voulais savoir si vous les aviez. Alors. Ah, peut-être que je m'adresse à une bibliothécaire qui ne connaît pas ce qu'il y a. Dites-moi ce que c'est. Alors, je vous dis ce que c'est. On y va. Ouais. Écoutez bien. Je cherche un beau roman d'amour qui parle surtout de trahison. Mais je cherche un truc assez court, même si l'histoire elle est bidon. Un Marc Lévy. Vous avez qui chante du bras. Ouais. Vous avez Marc Lévy. Vous avez. Faut parler dans le micro, madame, parce que ça coupe. Vous avez Marc Lévy. Oui. Ah, fantastique, mesdames. Alors j'ai une autre demande. Attention. Je cherche un roman d'aventure d'un pilote et d'un petit garçon qui veut pas rentrer en voiture mais qu'on lui dessine un mouton. Saint-Exupéry, écoute qu'on chante. Parce que t'es là, tu parles, c'est très agaçant pendant que je chante. Si tout le monde parle, on s'en sort plus. Vous avez Saint-Exupéry? Ah, on a aussi, on a tout. Hein. Ah, c'est magnifique, on va bien s'entendre. Voilà, j'en ai un dernier. Attention, c'est pour toi cette chanson. Attention. Je cherche un livre avec images, sans texte et que du coloriage, avec pas plus d'un mot par page et bourré de fautes d'orthographe. Franck Ribéry. Vous avez ça, Franck Ribéry? Ah non. Vous n'avez pas? Bon, mal. Tant pis. Quel est votre prénom? Vous avez l'air fort sympathique. Je suis fort malade surtout, peu importe. Alors, vous savez quoi? Vous êtes fort sympathique, même fort malade. Quel est votre petit prénom? Peu importe mon prénom. Peu importe, ça vient d'où? C'est original. C'est original, peu importe. Ah, j'en ai une demande. Ah. Je cherche un poète italien. À mon avis, c'est un bon gars. Il aime la vie et j'irai bien à ses soirées. Bonga, bonga, Berlusconi. C'était pour toi, n'importe quoi. N'importe quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Peu importe. C'était pourquoi, peu importe. Fort malade. Voilà, peu importe, fort malade, cette chanson était pour toi. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h, 20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. L'info, François Hollande, ancien président de la République, vient d'acquérir une maison de campagne à Tulle, en Corrèze. Et c'est une nouvelle maison. Alors, tout le monde a dit que c'était une maison bourgeoise. Bon, il va pas habiter non plus un studio. Ah, donc, il s'est acheté une petite maison. Il a été président, il peut se reposer un petit peu quand même, non sûr, enfin. Voilà, à Tulle, en plus. Bon, bah, ça doit c'est être sympa. C'est joli, Tulle. Je connais pas du tout. Hein. Je préfère Brive-la-Gaillarde, mais Tulle, c'est... Pourquoi Brive, c'est plus joli. Tulle, c'est quoi? C'est pas beau, c'est quoi? C'est une ville. C'est reposant. Des petites rues, enfin voilà. C'est mignon, les petites rues. Le bar La Calèche. Il y a un bar qui s'appelle La Calèche. C'est vrai que rien que le nom, il fait brancher. Hein. La Calèche, le bar Le Fer à Cheval. Sauf dans les villes, elle connaît des bars. Hein. Allez au restaurant, le Typhus qui est là-bas. La boîte L'Aquarius. Faut qu'on appelle. Et le choléra. Ce que je vous propose, c'est qu'on appelle des gens pour voir un petit peu s'il est bien accueilli, s'ils l'ont déjà vu. On va dire qu'on est. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire François Hollande. Si, c'est de faire François Hollande. Ah si, tu le fais. Tu fais des imitations. Mais non, je sais pas faire des imitations. Tu fais. Mais je fais un mot. Bah, ça suffit. Je sais juste faire. Non, c'est pas vrai. Tu sais parler comme ça. Voilà. C'est pas crédible. Si, fais-le, s'il te plaît. Si, je suis sûr que c'est. Allô, c'est François. Appelle des personnes âgées, ça. Ouais, comment tu fais? Allô, c'est François. Oui, bonjour, c'est François Hollande. Bah voilà, ça passe. Non, ça passe. Mais ça passe. Je te jure que par téléphone, ça passe. Mais alors, attends, on dirait un spectacle des deux ânes tout pourri. Oui, bonjour. Au téléphone, ça passe, tu vois. Oui, bonjour, c'est l'ancien président. Donc François Hollande à l'appareil. Bah voilà. Ils vont le croire de toute façon. Voilà. On peut le tenter. Bah allez, on appelle Odette, peut le tenter. Tu lui dis que t'as la Corrèze en cathéter. C'est ça. Bonsoir. Votre numéro de téléphone est masqué. Pour pouvoir contacter votre correspondant, Merci de prononcer votre. Oui, bon, bah c'est bon, c'est François Hollande. Ce ne sera pas celle-là. François. Oui. Ça va passer. Non. Mais si. Ça sera pas. Et la c'est pas crédible, j'ai une imitation qui n'est pas sur l'autre, si ça. François Hollande. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur, c'est François Hollande à l'appareil. Pourquoi riez-vous monsieur? Oui. Bonsoir François. Bon, écoutez. Bonsoir, bonsoir Georges. Alors? Je vous appelle parce qu'on va être voisins bientôt. Ah bon? Oui, je tenais à vous prévenir de mon arrivée. Ah hein? Et oui, vous avez acheté une maison à Tulle. Oui, absolument, c'est pour ça que j'appelle les voisins, pour leur dire que je vais arriver dans le quartier. Ok. Voilà. Enchanté. Écoutez, enchanté Marie, bonjour. Vous êtes content? Oui, oui, oui, très content. Alors je suis désolé, ça va être un petit peu d'animation dans le quartier. Oui. Voilà, donc, par contre, je vous préviens, il va souvent pleuvoir, plus que d'habitude. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ai fait des sorties officielles, il a plu. Ah, ben c'est bon. Voilà, il y a un petit nuage qui me suit partout où je vais. Il risque de pleuvoir un peu plus chez vous. Ah, peut-être, oui. Je vais faire des travaux également, Georges, je tenais à vous prévenir. Ah bon? Oui, oui, alors, est-ce que je vous appelle pour ça, Georges? Est-ce que je pourrais venir prendre l'électricité chez vous le temps que EDF me raccorde? Ah. J'ai une grande rallonge. Oui. Oui, mais ça fera un peu long, le câble. Non, je me débrouille, j'étais président, je peux avoir des rallonges très grandes. C'est bon, possible? D'accord. Oui. Et je vais faire une grande pendaison de crémaillère et vous serez invité. Bon, d'accord. D'accord. Vous ramenez des merguez, du pâté, qu'est-ce que vous ramenez? Oui, oui, mais... On va se tutoyer, Georges. Appelle-moi François, je t'appelle Georges. Qu'est-ce que tu ramènes, Georges? Oui, oui, François, oui. Bon, je ramènerai ce qu'il faut. Ramène du pâté et de la gaise. Je ramènerai surtout du liquide. Oui, on peut boire. J'ai un chauffeur, je suis en scooter régulièrement. C'est possible. Ramène-moi du pâté de pommes de terre. J'aime le pâté de pommes de terre. Et si Julie n'est pas là, ramène des bœufs. Oui. C'est possible, Georges, tu peux m'amener ça? Oui, oui, oui, bien sûr. Bon, Georges, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu as voté pour moi aux élections présidentielles? Oui. C'est pour savoir si je dois raser ta maison ou pas. T'as pas voté pour moi, je fais raser ta maison. T'as voté pour moi, je la laisse. Ah bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as voté pour moi? Oui, oui, oui, certain. Ouais. Merci, Georges. Je passe dimanche boire le café. Bon, d'accord. Prépare-moi un gâteau de pommes de terre. Oui. Gâteau de pommes de terre le midi, gâteau de pommes de terre le matin, c'est pour le gâteau de pommes de terre. À bientôt, Georges. Oui, à bientôt. Je t'embrasse, on se fait un bisou. Oui. Bisous qui claquent. Oui. J'ai pas entendu mon bisou. Et mon bisou. Bisous, bisous. Il a pas claqué, j'ai pas entendu. Oh. Tu fais un bisou qui claque. Oui, ça claque. Automatiquement. Oui, je fais un bisou, Georges. À bientôt. Bisous. Oui, à bientôt. À bientôt, Georges. Il est pas chiant, Georges. Normal. Il est bien. Tout va bien. Pour ça, pour cette approximation, on fait ce qu'on peut. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papa, Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Delphine, tu es prothésiste ongulaire. C'est ça, oui. Tu fais du dessin sur les ongles, tout ça, là ? On peut dire ça. Oh. Ah. Moi, tu peux peut-être m'aider, Delphine, je me ronge beaucoup les ongles. Est-ce que tu as une astuce prothésiste ongulaire pour arrêter ? La volonté. Ah. Ah. Merci, Delphine. Delphine, ne le prends pas mal, mais on avait déjà la réponse. Hein. Comment on fait pour être champion de tennis ? La volonté. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h-9h30 sur Énergie. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette électrique, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Patrick. Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos. Électrique. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Énergie, it's music only, avec Ariana Grande en concert. La superstar Ariana Grande est enfin de retour en France le 27 août à l'Accor Hotel Arena pour le Sweetener World Tour. Attention, concert complet, date supplémentaire le 28 août. Infos et réservations, energie.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Ariana Grande, en concert, un événement énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Salut, c'est Aymeric. Pour moi, les fêtes, ça veut dire musique, ça veut dire danser, s'amuser, partager, délirer, encore s'amuser. Mais là où je ne rigole pas, c'est quand un pote qui a bu même un tout petit peu veut quand même reprendre le volant. Dans ces cas-là, je le scotche sur un fauteuil, je le pose dans un taxi, je lui pique son portable, je le dénonce à sa mère ou je jette ses clés de voiture. Mais pas question qu'il conduise. La fête, c'est un truc trop sérieux pour être gâché par un accident de voiture. Alors quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Les chansons, puisque vous avez été nombreux, vous nous avez mis deuxième position, TT France, ça continue d'arriver, avec le hashtag Monsieur Bordas. Place gilet dans une chanson. Voilà, place gilet dans une chanson, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, c'est bien. Bah, c'est le moment de Jeff, donc il angoisse. Jeff, mets-toi en position avec ta guitare. On n'a pas travaillé, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Oui. Donc, on a pris les hashtags des auditeurs. Oui. Ouais. Les hashtags des auditeurs, on les a mis les uns après les autres. On s'est dit, tiens, ça, ce serait marrant, etc. Avec placer gilet dans une chanson. Hommage au gilet jaune, évidemment. Oui, bien sûr. Et Jeff, depuis tout à l'heure, il fait, non, je peux pas m'entraîner, ça, je l'ai pas joué. Mais ça, je la connais pas. Mais tu es très fort, mon Jeff. Jeff, tu vas certainement te planter. Oui, c'est sûr. Ça va être inaudible. T'es un peu fort quand même. Voilà, mais c'est pas grave. Tu sais quoi ? Derrière toi, il y a chance. Ouais, bah. Elle a tout paumé. 20 euros de truc, mais on a récolté 7 euros. Chance, c'est reparti avec 7 euros. C'est bien quand même. Oh, c'est pas mal. Sur 20. Oui, mais ça va. Oui, surtout, non, c'est intéressant. C'est que c'est moi qui paye les 20, c'est elle qui gagne les 7. Voilà, bon, c'est bien. Ça va, attention. De l'autre côté. Ouais. Donc, le temps que Koé s'installe. Mais arrêtez de râler, les gars. Ils font le tour. Donc après Corey et Bibi Rixa, on a Corey et Jeff et Rixa. Et Jeff Ouz. Je m'entends trop. Je peux avoir moins de médium, plus de basse, merci. Il y a des tribales. Tu peux régler ton... Comment ? Tu peux le régler ? Mais je sais que je peux régler mon casque. Oui, mais t'avais pas l'air de savoir. C'est de mauvaise foi, mec. Ça va ? Ok, hello, I'm Corey. Voici les messages des auditeurs avec que le mot gilet dans des chansons, d'accord ? Je vais pas bien les chanter, il y en a que je ne connais pas. Est-ce que vous avez répété avant ? Pas tellement. Non, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Stouf ? Demande si le public est chaud quand même avant que tu Est-ce démarres. Que le public est chaud ce soir ? Ouais ! Ah, il a l'air chaud. Apparemment, oui. Et on est en direct dans toute la France ? Oui. Oui. Oh shit. Il va place gilet dans une chambre. On y va. Allez, c'est parti. J'irai où t'en... Non, non, non, non. Non, c'est un jour, un jour. Parce que c'est toi. Laisse-moi. C'est toi, c'est ta faute. Chance, touche l'épaule là, touche l'épaule. Voilà. Et non, regarde. Chile où tu iras, mon pays sera à toi. Chile où tu iras, qu'importe la passe. Mon meilleur endroit. Je n'ai pas la chanson. J'en ai l'autre. Allez, deuxième. Chile au bout de mes rêves. Hey, ouais. Tout au bout de mes rêves. Chile au bout de mes rêves. Où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. Tout le monde avec moi. Chile au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. La raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. Allez, troisième morceau. Chanson de vie, on y va. Allez. La voix est plus aiguë. Gilet bien, faire un tour du côté de chez soi. Pour mon premier amour qui me donnait rendez-vous. C'est toi qui sous le chêne. C'est pas la bonne tonalité. Bah c'est toi qui n'as pas la bonne tonalité. J'irai bien. Gilet. Non, je me mettrai pas sur toi. T'es où toi? Jamais je me mettrai sur toi. Mais même sous la contrainte, mec, qu'il y a une guerre, je me mettrai pas sur toi. Tu préfères qu'il se mette sur le toit? Je vais pas mettre sur lui, ni sur toi. Non, mais non, tu non, préfères non. L'inverse. Je veux plus t'entendre. Tu chantes des trucs en dessous. On dirait les yeux, tu me pètes. J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi. Pour voir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Alors, tu joues comme une merde, tu dis que c'est moi, t'es gonflé toi. Sans déconner quoi. Claudio Capéo. Tu laisses Claudio tranquille. Il est comme ça, il dit que c'est moi après. Il a rien fait Claudio. Il a rien fait. Il a besoin de toi. Et c'est lui qui joue bien. Il fait 25 fausses notes depuis tout à l'heure. Allez. Oh là là, Mario et Pipo quoi. Mais c'est où? Turner et Ouch. Turner et Ouch. Bon, je continue. Voilà. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. J'y l'ai à mourir. Vous pourrez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, j'y l'ai à mourir. Ah, on la tient celle-là, on la tient. Ouais, celle-là, ouais. Attention, celle-là elle va être un peu plus dure. Regarde-le, il est perdu. On continue la chanson avec les gilets, c'est parti. T'es prêt? Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et avoir aucun film en anti-salvatoire, avoir la vie partagée, tailladée, tes prêts de souffle, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel dès l'année, je ne les connais pas, traîner du côté, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider, essayer de chanter ça vraiment, oui c'est bien, hey, un jour. Il est là-bas. Allez, on le tient. C'est toujours bon, faux, là, faux. Toujours faux, Jeff. Maintenant, je vais faire plus simple. On y va. Oh. Oh. Oh. Oh, gilet mou, gilet mou. Gilet mou, le lavabo. Oh. Gilet jaune, le lavabo. J'en ai une autre, continue. J'y l'ai vraiment phénoménal. La la la la la la la la la la. Elle est pas accordée. Tu joues comme une merde. Tu joues comme mes mecs. Tu joues dans le métro, ils ferment la rame. Arrête. Mets-moi de la réverbe. Tu mets de la réverbe. J'ai de la réverbe, Mathieu. Ouais. Une belle réverbe. Ouais. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Tu continues? Ouais. Ouais. Non. A cappella. J'ai voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. On continue. Chanson de poète. Non. Ah non. Ah non.

On est à Aix-en-Provence. Ah, mais Aix-en-Provence. Mais là, vous devez avoir que des clients qui sont bronzés, qui sont beaux, qui sont à Aix-en-Provence. Ils sont on est tous très beaux, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, non, faut le dire ce qui est. Aix-en-Provence, c'est une ville où tout le monde est beau. Je ne sais pas, il y a une fabrique de je ne sais pas quoi. Bon, en attendant, j'ai besoin de vous. Nous sommes sur Énergie depuis le mois d'août. Le 27. Et vraiment, pour l'instant, les auditeurs sont là, tout va bien. Très bien. Grâce de Dieu. Mais en attendant, j'ai quand même besoin d'un petit coup de promo pour nous dire. Pour dire à vos clients qu'on est de retour sur Énergie, est-ce que vous acceptez de le faire? Et est-ce que vous avez un micro? On a un micro. Qui diffuse dans tout le magasin? Oui, de préférence. Charline, est-ce que je vais vous donner un petit texte, est-ce que vous êtes prête à le faire? Allez, dites-moi. Oh, Charline, y a pas de soucis. Voici le texte. Ouvrez les guillemets. Écoutez Coé sur Énergie. Ouais. Chaque fois que je dis Coé, elle se marre. Oui, c'est un mot rigolo. C'est Coé. Le mec à poil sur Insta. Je suis pas à poil sur Insta, je suis torse nu. C'est vrai, pardon. Vous avez Insta aussi ou... Charline, vous avez Instagram? Eh ben, je vais vous étonner, mais non. Bon, c'est pas plus mal. Alors, écoutez Coé sur Énergie, on reprend. Ouais. De 17h à 20h. De 17h à 20h. C'est mieux. C'est mieux que de replier sa quechua pendant 3 heures. C'est uniquement pour la rime. C'est pour la rime, parce qu'on aime bien les quechua. Ouais, évidemment. Moi, j'adore les déplier, je n'ai jamais les replier. Mais toute ma journée, moi je serai chez Decathlon, je lancerai des quechua. Mais c'est vrai, hein, les clients, ils arrivent. Passer l'été prochain, je vous montre comment on la replie en 2 minutes. Non, je m'en fous. Moi, je les déplie, moi, je les lance comme ça. Et ça, que ça fasse pouf. Déplieur. Voilà, un enfant. Ah, bah, la loi, là, on peut balancer des quechua sur les enfants. Ça y est, vous avez noté, on répète? C'est tout bon. Bah je peux vous le faire direct si vous voulez. Non. On va répéter d'abord. On répète. Alors, écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. C'est mieux que de replier sa quechua pendant 3h. Magnifique, on y va. Je compte prenez sur votre vous. Temps, prenez votre temps. Chers clientes, chers clients, prenez votre temps. Allez-y, à vous. Votre attention, s'il vous plaît, un message spécial. N'oubliez surtout pas d'écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. C'est mieux que de replier sa quechua pendant 3h. Oui! Charline, bravo. On embrasse tout le magasin Décathlon de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, je vous fais un gros bisou, mademoiselle. Eh ben merci à vous. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. de Koé, c'est maintenant. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Le principe est simple, c'est que lui, il fait un truc pas bien. Et tu vas nous balancer le truc. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un vol. D'accord, ok. C'est pas grave, grave. Ouais. C'est même plutôt drôle. Il fait quoi, Momo? Explique-nous. Bon, hey, David, je suis pas une balance, mais là, franchement, t'as abusé ce qu'il fait. Du coup, je suis obligé de balance. En fait, il a un compte Tinder sur lequel il est tout le temps dessus. En fait, il essaie toujours de pécho des meufs, quoi. Mais le truc, c'est qu'il n'utilise pas sa vraie photo. Il met des photos de mannequins. des gens qui existent, en fait. Ouais, voilà. Mais pas lui. Il fait attention à mettre la photo du même mannequin. Parce que si le mec, la photo d'après, il est black et ensuite il est suédois, ça change. Déjà, il met le même mannequin et il met plusieurs photos, il fait croire que c'est lui. Voilà. Non, en fait, je suis même sûr qu'il est capable d'utiliser plusieurs. Le mec, il prend les parties qui l'intéressent. Ce torse-là, je le prends. Oui, mais alors, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ça, c'est bien pour essayer d'avoir des nanas qui vont suivre, mais il peut jamais les rencontrer. Bah oui, du coup. Ouais, c'est un truc de fou, mais bon, après, il est con, hein, si vous voulez. Ah oui. Mais ça n'a pas d'intérêt. Bah oui, parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir la rencontre, la nana, elle cherche un mannequin d'1m95 et qu'elle voit ton copain Nordin. Attends, alors, il est comment, lui? Il est comment il est physiquement, Nordin? Nordin, ça va. Bon, en plus, ça, il n'a pas si moche que ça, quoi. Et bah alors, je comprends pas pourquoi il met pas sa tête. Je sais pas, il s'assume pas, j'en sais rien. Il a un complexe, un truc comme ça. Ouais, il est con. Il sait nous le vendre, son pote. Je vais donc l'appeler. Je suis le responsable du service modérateur de Tinder. Vous savez, il y a des gens des fois qui peuvent signaler comme ça des abus. Bien sûr. Des abus. Donc je m'appelle, je vais prendre un nom, Thierry Lavignas. Je suis. Ouais. On lui fait un bisou. Si, ouais, c'est un genre de la peur. Il bosse à Énergie ici. Hein, Bichette? Oui, tout à fait. Bien, dernière fois, toi. Hein, je l'aime bien, ouais. Ouais. Bah, tu t'es bien fait démonter à ta gueule là-bas. Enfin, tu faisais moins le malin quand je t'es sorti pas du bureau du tout. De quoi tu parles? Chez nous, Thierry Lavignas, c'est le responsable des Tanas. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, c'est lui qui dit quand ça va pas. C'est il ça. Fait bien son boulot, les amis. Oui. Je suis donc, je rentre dans le personnage, Thierry Lavignas. T'as raison, ça fait sévère. Bien sûr. Ouais. On l'a vu tout de suite, oui. Ah oui. Lavignas. Monsieur Lavignas. On y va. J'ai mis 30 ans. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Nourdine? Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Thierry Lavignas, service modérateur Tinder à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir, voilà, nous vous contactons. Nous avons beaucoup de signalements sur votre compte, monsieur. Est-ce que vous êtes au courant? Des signalements, c'est-à-dire? Monsieur, vous avez un compte? Oui, j'ai un compte. Voilà, il y a beaucoup de signalements sur votre compte, monsieur. Apparemment, d'accord. Vous utilisez de fausses photos de profil? Des fausses photos de profil? Non, c'est pas possible. Alors, monsieur, nous avons reçu, nous, des signalements avec ce détail à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas de propos déplacés, il s'agit d'usurpation d'identité. Vous savez que c'est interdit, monsieur? Je sais que c'est interdit, mais moi, je ne fais pas ça, hein. Franchement... Monsieur... Pourquoi je ferais ça, franchement? Monsieur, je vous pose la question. Pourquoi vous le faites? Je ne le fais pas. Généralement, lorsque les choses sont faites comme ça, c'est pour obtenir des photos dénudées lors de conversations un petit peu plus tard. Nous avons l'habitude, vous savez, chez nous. Alors, monsieur, vous pouvez simplement nous le dire que ça n'est pas votre visage ni vos photos qui sont utilisées. Non, je crois pas. Je pense que vous faites erreur. Monsieur, je vous explique. Si vous n'avouez pas, vous risquez de lourdes sanctions pour usurpation d'identité et utilisation de l'identité d'autrui à des fins frauduleuses en violation du droit à l'image international. Par conséquent, monsieur, nous fermons votre compte immédiatement et nous transférons votre dossier à la police digitale internationale. C'est à vous de nous dire, monsieur, vous nous dites, vous reconnaissez les faits, vous dites oui, je le fais, oui, et vous n'êtes pas le seul en France, monsieur, ou alors vous continuez de nier. Bon, je l'ai déjà peut-être fait une fois, mais pas plus. Une fois. Une fois. Monsieur, j'ai eu plusieurs signalements. Non, c'est impossible, je l'ai fait une fois, je m'en rappelle très bien, je sais très bien que c'est avec une fille. Vous ne l'avez pas fait qu'avec une fille, monsieur. Je vous le dis, nous avons deux signalements, je peux vous le dire. D'accord. Vous avez le nom des filles? Bien sûr, mais je ne vous les donnerai pas, évidemment, nous ne communiquons pas ce genre de détails. Donc, monsieur, si nous avons deux signalements, c'est que vous l'avez fait deux fois. D'accord. Suffit de reconnaître, monsieur. Hein. Bon, je vais reconnaître, mais voilà, c'était pour rigoler, quoi. Bon, très bien, monsieur. Donc, je note. Alors, monsieur, vous avez utilisé le visage de qui, monsieur? Photo que vous avez trouvée où? Bah, j'ai pris des photos de mannequins sur internet, hein, je me suis pas pris la tête. Hein. D'accord. Pas de photos dénudées, monsieur, hein, je les ai devant moi. Non. Alors, donc, je note. Alors, pourquoi vous faites ça? C'est la question. Pourquoi vous le faites, monsieur? Je réponds à mon questionnaire. Bah, à la base, c'est pour un délire, mais après, comme j'ai vu que ça marchait bien, donc j'ai continué. Hein. Ah bah, donc c'est pas que deux personnes, alors. Donc, ok. Donc, pour un délire. Je note ça, monsieur, hein. Oui. D'accord. Avez-vous un visage disgracieux? Est-ce que vous avez un visage disgracieux? Vous faites quoi, là? Vous faites un rapport, là? Je note, monsieur. Je prends des notes. Est-ce que vous avez un visage disgracieux, monsieur? Est-ce que vous êtes laid? Est-ce que vous êtes laid? Est-ce que vous êtes désaxé du nez? Enfin, vous savez, il y a des gens des fois, c'est. Non, j'ai pas trop de défauts. Je suis assez. Bon, pas trop de défauts. Que je suis normal, quoi. Pas trop de défauts, normal. Je mets normal, hein. Vous avez une tête normale. Sur une échelle de Ryan Gosling à Gollum, vous vous situez où, monsieur? Sachant que Gollum, c'est 0, Ryan Gosling, c'est 10. Vous êtes à combien? Ah, il est pas 10, lui, hein. Ryan Gosling, monsieur, on le met à 10. Nous, c'est la photo la plus volée. C'est pour ça que d'habitude, les gens volent la photo de Ryan Gosling, ce qui n'est pas. Vous voyez, on a eu un Jean-Louis il y a deux jours, monsieur, qu'on a serré. Jean-Louis, 53 ans, de la mode Beuvron, il avait mis la photo de Ryan Gosling. Est-ce crédible, monsieur? Non. Ouais, mais moi, j'ai pas 53 ans. Monsieur, cherchez pas, jouez pas sur les mots. Ryan Gosling, 10, Gollum, 0, vous êtes à combien? Ouais, on va mettre 7. 7. Que vous avez réussi, monsieur, à obtenir quelque chose de la part de jeunes personnes, jeunes femmes, avec cette technique? Bah, leur numéro, déjà. C'est 400 euros par coup tiré, monsieur. Je... Ah bah, je vais aller en prison, alors. Bon, monsieur, je jette l'éponge sur cette fois, monsieur. Merci, mais... À la condition, monsieur, laissez-moi finir d'enlever les photos de mannequins et de remettre la vôtre. D'accord, bah, je le ferai dès demain, hein, parce que là... D'accord, monsieur. Du coup, okay. Je vous cache pas, vous n'avez pas matché des masses. Oui. Voire plus du tout, que dalle, Walou, Nakash. Vous notez? Oui. Vous allez matcher Nakash. Ok. D'accord. Et bon. Ou alors vous mettez la photo de Koé. J'ai rien fait de mal, hein. Franchement, c'est pas intéressant. Non, bah, nous vous autorisons à mettre la photo de Koé, monsieur. Pourquoi Koé? Bah, vous n'allez pas matcher mieux, voire beaucoup moins. Mais bon, ça me fera plaisir. Moi, ça me ferait kiffer. C'est un kiff perso. Eh oui. Nordine. C'est quoi ce délire? Nordin, pardon. Nordin, ouais. Nordin, ouais. Qui t'appelle Nordin? Bah, mes potes et mon frère. C'est qui ton frère? Comment, c'est quoi ton prénom, le prénom de ton frère? Momo. Ah bah, je te présente Momo, il est en lice et je m'appelle Koué. Je le fais jamais. Je le fais deux fois, peut-être trois fois. Je l'ai fait peut-être quatre. Oui, allez. D'accord, vite fait. Gros bisous Nordine, on va leur offrir des cadeaux. Qu'est-ce qu'on leur offre? Une PS4 Pro et une mini Super Nintendo. Et un an d'abonnement à Tinder Nordine. Ah, trop bien. Je déconne. À bientôt Nordine. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Salut, c'est Rico. Cette année encore, je serai en direct avec vous sur Énergie pour la teuf du 31. On sera là avec la team à partir de 20h jusqu'à 6h du mat. Et on va se faire une bonne teuf tous ensemble, toute la nuit. Happy New Year. Le Rico Show du 31 décembre. Ce soir, 20h sur Énergie. It's music only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Salut, c'est Emeric. Pour moi, les fêtes, ça veut dire musique, ça veut dire danser, s'amuser, partager, délirer, encore s'amuser. Mais là où je ne rigole pas, c'est quand un pote qui a bu même un tout petit peu veut quand même reprendre le volant. Dans ces cas-là, je le scotche sur un fauteuil, je le pose dans un taxi, je lui pique son portable, je le dénonce à sa mère ou je jette ses clés de voiture. Mais pas question qu'il conduise. La fête, c'est un truc trop sérieux pour être gâché par un accident de voiture. Alors quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. Énergie. Énergie. music only. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance, toi t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Oh, oh, il peut tout arriver. Oh, oh, oh. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Toi tu donnes tellement, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Ah 17h-20h, c'est le best-of de Koï sur Énergie. Il est temps que nous parlions maintenant d'un sujet important. Les véganes en France veulent de plus en plus se mobiliser. D'abord pour qu'on mange de moins en moins de viande, mais... Pourquoi ? Parce que pour moi, je sais pas, les véganes, ah, vegan, comme ça. Mais, ça écoute du reggae. Moi, pardon, ça, attends, ouais. Quel rapport ? Moi, je vois le rapport. Moi-même, je ne mange plus de viande, d'où Bob Marley. Ben, vegan, herbe. Donc, est-ce que tu manges des légumes, tu les fumes ? Vous allez pas bien, les gars. Bon, bah, non, désolé, mais c'est quoi vos raccourcis ? Tu peux me... mais Bob Marley, ça moi, n'a rien à voir. Je les voyais comme ça, moi, bobo vegan. Vegan, d'accord, bobo, ok, mais bobo vegan. Donc, Bob Marley. Bah ouais. Mais du Vianney. Mais du Vianney Marley. Ou du Bob Vianney. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Bon bah écoutez. Il y a une rue, quelque part en Dordogne, qui s'appelle la rue de la saucisse. C'est vrai, hein. Ça c'est une belle rue, hein. Ah bah ça, c'est joli, c'est très joli. Ça la rue de la saucisse, alors. Visiter la rue de la saucisse. Il lui demande de modifier le nom d'une ruelle. C'est un village médiéval, hein, la rue de la saucisse, donc. Et donc il propose de rebaptiser la rue de la saucisse en référence à Soy. Soy, soja en anglais. Oh là là là là là. Mais quoi ? Mais non, ça sert à rien. De toi, moi. Oui. Si ça choque des gens de voir marquer le mot saucisse. Saucisse, bah oui. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on enlève un panneau d'une rue dans laquelle tu n'habites pas ? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? C'est même pas chez toi. Ça les emmerde de quoi ? Ces gens-là, c'est des gens qui ont au moins 30 ans pour revendiquer des trucs comme ça. Ça les a pas dérangés avant. C'est que pendant. Ne ça pas dérangé avant, c'est ridicule. Dans les années 70, ça dérangeait pas de fumer dans les voitures quand les gamins avaient les fenêtres fermées. Dans les années 70, on donnait du vin aux gamins, ça dérangeait personne. La législation a changé, on donne plus ça aux gosses. C'est pas mal aussi de dire avec le temps de manger moins de viande. Et mais manger moins de viande, mais de là à tout changer, pardon. Eux, ils veulent plus de viande du tout. Du tout. Et après, ils font des saucisses au soja. D'accord. Et ils mangent du soja directement, mec. Des saucisses au soja. Non, mais je pense que c'était une idée de Jeff, le nom de Je pense que. Vous savez quoi moi, c'est mon grand-père. Je veux dire un truc. Moi, je suis pour la paix de tout le monde. Moi, je suis pour que les véganes ne mangent pas de viande. Oui. Que pour ceux qui aiment la viande, continuent à manger. Et que tout le monde se porte bien. Et que s'aime. Voilà. Mais Jeff, t'as tolérance sur le. Tu sais quoi Mais parce que. Non, mais non, Jeff, on fera un truc un jour. Je danse l'invitation. aux gens qui sont véganes de la PETA, par exemple, ou des gens qui revendiquent vraiment une végane attitude. Et on va se faire un vendredi avant le week-end un petit débat végan Jeff contre Jeff. Mais vraiment, auquel moi je serai arbitre. Mais véganise de ton côté. Moi, je viens du mien. Mais il a raison. Pour l'instant, je vais mener l'enquête. Allô. Oui, bonjour monsieur, vous êtes un habitant de la rue de la Saucisse. Oui, à Issy-Jacques, c'est ça monsieur. Exactement. Bonsoir monsieur, Thierry Lavignas, représentant de l'association PETA. À l'appareil, vous connaissez non, notre association? Non, pas plus que ça, dites-moi. Bah, c'est une association monsieur de la protection des animaux. D'accord. Vous savez, voilà. Contre la souffrance animale. Donc vous êtes au courant de la missive qu'on a envoyée au maire de la ville pour faire changer le nom de votre rue. Voilà, donc nous voulions savoir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, ouais. Ah, vous en avez entendu parler, monsieur, je veux dire, ça fait la une de tous les journaux. Oui, j'en ai entendu parler au boulot ce matin, j'ai dit voilà. Des conneries, mais voilà, on il ne se passe pas non plus énormément de choses chez vous pour que vous puissiez passer à côté de cette information qui est vitale. Alors nous, on a du nouveau, monsieur, je voulais vous informer. La loi va passer la semaine prochaine, monsieur, hein. Donc, si vous pouviez prévenir les banques, vos amis... La semaine prochaine, monsieur, la rue change. Non, mais c'est quoi vos conneries? Ça fait 20 ans que j'habite rue de la Saucisse, ça restera rue de la Saucisse, bordel. Monsieur, la rue va changer. La semaine prochaine. Monsieur, écoutez, nous ne gagnons pas tout le temps, tous nos combats ne sont pas gagnés, mais il faut que les enfants apprennent que les animaux ne sont pas faits pour être mangés. Donc, nous allons débaptiser cette rue. Donc, une semaine pour prévenir ses amis, c'est largement suffisant. Donc, la carte d'identité, ça fait 20 ans. Ah, monsieur, c'est pas le plus grave. Vous savez, comme nous passons. Monsieur, vous m'appelez moi, il y a plein de personnes. On appelle la ruelle, monsieur. Ce week-end, monsieur, je vous l'ai dit, tous les habitants de la rue de la Saucisse, on leur amènera des cadeaux, vous savez. Il y aura de la saucisse végane au soja, donc on en amènera pour tout le monde. Je vous en mets combien, monsieur? Zéro. Ça changera pas de nom. Monsieur, fini la viande dans le frigo, par contre, monsieur. Hein. Vous le savez, ça, c'est interdit. Bien sûr. Ouais. Voilà, faut montrer l'exemple, monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Monsieur Lavignas, monsieur de la PETA. Super ce nom en plus. Ouais, super. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que les tapis en peau de vache, je ne sais pas si vous en avez chez vous, c'est fini. Les blousons en cuir, les chaussures en cuir maintenant, tapés dans le synthétique. Les pulls en laine, pauvres moutons. Donc, ce week-end, on vient, on enlève tout. Voilà, on tenait à vous le dire. D'accord, à quelques bornes, il y a la ville de Toulouse, et ça, on n'en parle pas. Monsieur, on attaque d'abord la petite ville, ensuite on fera Toulouse. On fait chaque chose en son temps, pas de procrastination. Oui, les petites villes, les grandes villes après, d'accord? Vous allez devenir, monsieur, soyez fiers, la vitrine de la nouvelle France. La France sans viande. No meal, no woman, no cry. D'accord? Allez mettre un gilet vert. Et monsieur, répétez après moi. La bidoche, c'est tabou. On en viendra tous à bout avec moi, monsieur. La bidoche, c'est tabou. On en viendra tous à bout. La bidoche, c'est à bout. On en viendra tous à bout. La bidoche, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Bon, faut pas leur en vouloir. Ils chantent plus du Big Flo et Oli que des chansons contre la viande. Mais bon. Vous avez noté? Oui, bien sûr. Il est patient. Il a une patience d'homme, ouais, celui-là. Il est gentil. Ça va, ça va, monsieur. Je m'appelle Coé. On est sur Énergie. Vous changez pas tout de suite. Ça va. Vous gardez la saucisse pour la semaine prochaine. Hey, garde la saucisse, à bientôt. Je vous fais un bisou, il s'appelle Franck, c'est ça? Je vous embrasse, Franck. C'est une blague. À bientôt, pourquoi? Non. C'est marrant, ça. Allez, blague pas. Ça va, vous changez pas l'adresse. Je vous fais un bisou, à bientôt. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. If it's true, then why you running? You running? Ooh-oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh-oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh-oh. Say my name, if you love me. escucho como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. C'est Coé sur Énergie. Je suis sur le clip de Zara Larsson, qui est notre invité. Vous entendrez le nouveau titre dans un instant. Sexy. Ah, le clip. Yeah, he's watching the video. Sexy, sexy, sexy. It is. Non, mais... It's very glamorous. Glamour. Voilà, je voulais dire. Glamour. En fait, je voulais dire sexy mais classe. He was going to say sexy but classy. Yeah, I think the director actually Charlotte, she's amazing for that. I feel like it is quite a different thing when you work with female directors, because they can kind of see the vision and not make it, yeah, like you say, it's glamorous and sexy but still a bit glossy. En fait, la réelle est une femme, donc elle dit que quand c'est une vision féminine. Bonjour Madame Najjar. Non, yeah. Bonjour. J'ai l'habitude. Bonjour Madame Najjar. Donc la réelle est une femme, donc quand c'est la vision d'une femme, c'est différent, et du coup voilà, elle est très contente. C'est vrai que c'est le côté un peu glamour et très chic. Bienvenue avec nous. En tout cas, dans un instant vous découvrirez le nouveau titre de Zara Larsson, ça s'appelle Ruin My Life. Vous le connaissez obligatoirement, mais vous l'entendrez en live. Le public, ils le connaissent toutes. Ah bah oui, bien sûr. Ah, je vais l'arrêter, je vais voir si elle continue. Elle semble bien. Je vais voir si elle continue. Elles sont timides. Est-ce qu'elles connaissent Anema Day? Vous connaissez Anema Day? Vous connaissez Anema Day? Anema Day. Anema Day aussi. Anema Day. Anema Day. Anema Day. Alors, dans cette... le nouveau titre raconte ça. Raconte l'histoire d'une relation toxique entre elle et son chéri. Alors d'abord, est-ce que c'est le sujet exact de l'histoire? Okay, so the song, is this true, talks about a toxic relationship between you and another person? Yeah, I feel like that's the... Ouais, ouais, c'est ça. That's how I visioned it, or like that's what I think about when I sing it. But it's different for everyone. C'est ce à quoi elle pense quand elle la chante, mais on peut l'interpréter différemment. Ça n'est pas autobiographique. It's not autobiographic. Well, I've definitely been in bad relationships that was really toxic that I just wish I didn't waste my time on. But when you're in it, you have no sense of common sense. Ouais, alors, ça lui est déjà arrivé d'être dans des relations toxiques comme ça où elle aurait pas dû perdre son temps, mais quand on est dedans, on n'a pas le recul pour se dire. Ça marche. C'est vrai. De voilà. Situation. Ouais. pourquoi les filles, vous êtes attirées par des mecs qui vous font du mal, je ne comprendrai jamais. Why are men always attracted to boys or men that are bad for them? He doesn't understand why. I think, but we all been there though. Haven't we all been with someone that you're like, I know you're not good for me, but we're still gonna like... On a tous eu ça, où on se dit, que ce soit homme ou femme, la personne n'est pas bien pour moi, mais on y va quand même. Voilà. Anemade. Zara, j'ai une machine, Zara. J'ai une machine qui va te trouver ton homme idéal. Je te pose des questions, je rentre les critères au fur et à mesure. Dans moins de 20 secondes, j'ai ton homme idéal qui sort. Okay, so he has the love machine, which is going to find your ideal man. He's going to put in stuff and it's going to come out. Are you ready? I'm ready. Est-ce que tu préfères un mec propre, bien rasé, ou un barbu un peu crado? Would you prefer like a clean cut shave guy or a little beard, little like dirty looking guy? Probably a clean. Non, bien rasé. Propre, bien rasé. Propre. Yeah. Je crois bien, je vais rasé. Ok. Est-ce que tu préfères un mec... It hurts when you're trying to kiss. Ouais, ça fait mal les poils de la barbe et tout. Ouais, ouais. Est-ce que tu préfères un mec qui fume et qui forcément donc va sentir de la bouche, ou un mec qui mâche des chewing-gums sans sucre? Do you prefer someone who smokes, so he's not going to have very good breath, or someone who just... Choose gum, sugarless gum. I'm gonna go with the gum. Non, chewing gum. D'accord. Ok. Est-ce que tu préfères un mec qui boit toute la soirée, du coup s'endort une fois sur deux au lieu de te faire l'amour, ou un mec qui est sobre? Do you prefer a guy who drinks a lot, so one times out of two weeks and fall asleep before you make love? Imagine. Or someone sober. But this is so black and white. Oui, c'est vraiment noir et blanc. Oh, Némadé. Yeah. Someone sober who does not drink alcohol. Aww. Vite, on choisit. I'm still gonna go with the sober. Bah, elle va quand même prendre le mec sobre. Wow. Attention, question bad boy. Tu préfères un mec qui a un flingue sur lui en permanence ou un mec qui a une banane à la taille en permanence? Horreur. You prefer a guy who carries a gun or a guy who carries one of those fanny packs around his waist? You know, like a... Oh, ouais, fanny pack. Oh, yeah. do you mean like a real gun? Yeah. Okay. Oh, no, I don't want that. Ah, non, non, non. Elle dit oui, après elle me dit non. Non, elle te demandait si c'était un vrai flingue. Donc, du coup, non. Elle préfère la banane. Ok. Yeah. Et la banane, c'est une vraie. Hein. Tu préfères un mec en Santiago, un mec en Santiago ou un mec en Crocs ou son équivalent suédois? A guy wearing cowboy boots or wearing Crocs? You know those plastic shoes with the holes? Yeah, of course. It has to be the cowboy boots. Bah, Santiago. Hein. Ok. Santiago. tu préfères un mec qui mange que des côtes de bœuf ou des patates ou un mec vegan? Do you prefer a guy who's going to eat like big steaks or someone vegan? Maybe vegan. Oh. Think about the environment. Vegan. Oui, c'est pas très français. Tu préfères un mec qui sent le bonhomme qui a travaillé toute la journée ou un mec qui sent le savon? Someone who basically smells bad because he worked all day or who smells like soap? Oh, tough choice. Ça, c'est dur. But I'm going to have to go with the soap. Ouais, the Tout l'inverse de Jeff. Soirée de merde. Dernière question, tu préfères un mec qui t'ignore complètement ou qui te harcèle de SMS? A guy who totally ignores you or who harasses you in texts? Oh gosh, it's equally bad. Bah, les deux sont très mauvais. I would like actually pick someone who ignores me once in a while. Bah, je pense que ce serait quelqu'un qui l'ignore de temps en temps. Ok, j'ai le résultat, c'est bon. He has the result. Ooh, exciting. T'as le résultat? J'ai le résultat. C'est bien, ça. Alors, bon, bah, j'ai dû Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ah, il est un peu What do you want me to do? Qu'est-ce qu'elle doit La machine te propose des mecs. This is what the machine offers. Okay. He's cute. Yeah. Okay. Il a de la barbe. Alors bon, but he has beard. Ça doit être une erreur. T'as dit que tu voulais un mec. And I think he also like smokes. Ah, pour lui ça va. Il mange la viande aussi, mais c'est pas grave. Il doit y avoir une erreur. T'as demandé le mec qui sent bon. C'est ça qui sent le savon. Oui, le savon. Alors la machine m'a sorti. There must be a mistake because you asked for someone who smells good. Ah non, mais là vous avez abusé. Vous avez vu la tête de la photo. C'est une photo. Et elle m'a sorti Pete Doherty, ça doit être un bug. I think there's a mistake. Elle est bien réglée. Non? Non. Non. The machine is broken. Oh, too bad. Elle a sorti Gollum. My precious. Il en reste. Mon précieux. Wow, really? Oui, c'est mon précieux. Wow, okay. You're so mal. And I'm a doll. I'm a doll. You're so good. That's amazing. Il m'en reste deux. L'ordinateur a trouvé deux profils très étonnants. Okay, two very surprising profiles came out of the machine. Très proche. Il reste okay. Very close. Cristiano Ronaldo. Ouais. Ok. Pas mal. Et moi-même. And Koué. Bah oui. Tough choice. Ouais, c'est dur, hein. Attention, je choisis, c'est quoi l'idée là? Je tiens à dire que selon ta réponse, oui. According to your answer, dépendra le live dans 2 minutes. Basically, the upcoming live will depend on your answer. C'est dommage d'être devenu de la Suède pour rien. It's really too bad. Life, my whole life. No, live, your live performance. Live. Croyez sa vie en général. Non. Tu chantes pas. Basically, Ronaldo, you don't sing. So if you want a good live, we're going for. If you want to sing, basically. Ouais, si elle veut chanter, il faut qu'elle choisisse. Okay, so picking you or no promo. Ouais, en gros, c'est toi ou pas de promo. Et intelligente. He says you're very smart. Très intelligente. Well, then I'm gonna go for the guy in the suit. Elle va prendre le mec en costume. Ouais, elle est géniale. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Je ne sais pas. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. T'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, gardez le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Voici les amis, le ami ennemi, vous devez me donner une réponse commune pour gagner chacun votre enceinte. C'est ça, une enceinte oui, Bose. C'est ça. Première question, combien doit-on avoir de gilets jaunes dans une voiture obligatoirement? 1, 2, 4. Ah, je te pense, John. John, t'es là? John, oui. Mais ça, il faut répondre à deux, hein, vous réfléchissez entre vous. Hein. Oui, c'est pour ça que je demande. Ouais, non, un seul. D'accord. Je comprends que vous aimiez peur, vous avez du mal à vous parler. Hein, ah, on parle en même temps. Vous me dites, un, est-ce que c'est votre dernier mot? Vous dites, oui, c'est notre il dernier mot, Coco. Moi, je pense que c'est un aussi, ouais. Alors, il faut me dire, ouais, oui, c'est notre dernier mot, Coco. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est notre dernier mot, Coco. C'est la bonne réponse. C'est notre dernier mot. C'est la bonne réponse, c'est un. Voilà. Quel est l'apéritif le plus connu sous le nom du petit jaune? Voilà. Le pastis ou le ricard? Pastis, ouais, c'est ça. Le pastis, ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Ouais, c'est notre dernier mot. Coco. Ouais, c'est notre dernier mot. Coco. Pastis, ricard, c'est la bonne réponse. Voilà, très bien. Je t'adore. Où a-t-il quoi? J'aime bien les applaudissements. Où est-ce qu'on a vu le plus de gilets jaunes? À Agen, à Cognac ou à Montluçon? Je dirais Cognac, moi. Agen, Cognac ou Montluçon? Cognac, non? Agen, Cognac. Moi, j'aurais dit Cognac. Ouais, Cognac aussi, ouais. Ils sont d'accord. Est-ce que c'est votre dernier mot, les alcooliques? Oui, c'est notre dernier mot. J'avais dit Agen, les mecs disent non, ça doit être Cognac. Non, c'est un classique. On va choisir Cognac. Eh ben, c'est à Agen. C'est à Agen qui a eu le plus de gilets jaunes. Et à Montluçon, on me dit un seul, c'est oui, vrai. C'est le monsieur qui était tout seul au milieu de la route avec son balai. Ouais, ouais. Assis sur sa chaise. Et même pas, ça doit être un cantonnier. Je suis même pas sûr que. Voici la dernière question qui fait 6000 points. Vous devez obligatoirement y répondre. Si ma voiture consomme 6 litres au 100, combien je vais consommer pour faire 25 km? À condition qu'aucun gilet jaune m'empêche de rouler. Si ma voiture fait du 6 litres au 100, combien je vais consommer pour faire 25 km? Un litre? Un litre 5, un litre 5 litre ou 3 litres? Un litre et demi. Un litre 5. Un litre et demi, ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? De par le fait, oui. Coco. Bon, ils m'ont jamais dit la phrase non, exactement. Jamais. J'ai dit ouais, j'ai dit coco, fait, j'ai oui. dit de par le fait, j'ai dit totalement. Il y a quoi à gagner, sauf? Enceinte Bose. Eh bien, sachez que si votre voiture consomme 6 litres au 100 et que je vais 25 km,

au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Oh ouais, oh ouais. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Je m'appelle Bébert. Okay. J'ai décidé d'appeler le premier club de bras de fer. Bébert. Enfin, c'est pas le premier club, c'est le premier club en Normandie qui vient d'ouvrir. Hommage à Kinley qui vient tout à l'heure. Normandie, big up. One man à Rouen dans quelques jours. Bien sûr, 14 et 15. Allez, on y va. 7-6 en force. Allô ? Allô ? Ouais, bonjour, c'est le club de bras de fer ? Oui. Ouais, bonjour. Voilà, je m'appelle Bébert, j'adore le bras de fer. On en fait tradition familiale depuis quelques années. Donc, dans quel secteur ? Moi, je suis à Petit-Quevilly, parce que vous êtes où, vous, exactement ? Ah, nous, on est à Dieppe, à Petit-Quevilly. Ouais, Petit-Quevilly, bah, ça va, c'est quoi ? En roulant, on est à quoi ? Demi-heure ? Oui, trois quarts d'heure, une heure, ouais. Voilà, bon, bah, c'est pas un problème. Hein, c'est... Quand est-ce que je te mets à branler, qu'on n'en parle plus ? Quand est-ce que vous me mettez ma branlée ? Ouais, quand vous voulez. Oui. Ouais, je sais pas ce qu'ils donnent les gars dans votre club, mais ils sont comment ? Je voudrais pas casser des bras. Ça, nous, on est un petit club tout jeune là qui démarre. Après, si vous voulez des références, des pointures, je peux en avoir. Mais pour le coup, vas-y, des noms. Il y a qui comme pointure ? On y va ? Ah bah chez nous, c'est 44. Kevin, qui est bon. Qui ? Kevin. Ouais, excuse-moi. Moi, je vais te dire un truc. Pas qui c'est ton gars. Moi, j'ai un Fenwick. tu vois le truc là qui prend les palettes là, de Fenwick. Oui. Moi, j'ai ça. Dans chaque bras. Ok ? Moi, je lève des palettes de parpaing à main nue. Moi, je suis un ouf. Je t'arrive comme ça, je te promets que ça dépote. Je te prends le bras comme ça. Ah oui, ça fait du bruit, effectivement. Ouais. Voilà. Okay, moi, les gars, toi, ris pas, rigole pas, il n'y a rien de drôle. Moi, Kevin, tout ça, je te les défonce. C'est surprenant parce qu'il y a des gens comme ça qui appellent parfois, puis quand on les met sur une table, c'est eux qui repartent le bras pété. Mais comment ? Attends, alors excuse-moi, je suis. Alors, rigole parce que t'es pas devant moi. Moi, je tiens à te dire tout de suite, j'ai été champion fête foraine 4 années de suite de Petit-Quevilly au Punching Ball. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Ok, je montais à 420 kilos de puissance avec une main dans le dos. Bah ouais, mon lapin, ça t'empoche. Bah ! Comme ça, direct. Ah, rigole pas, tu m'énerves. T'as déjà vu Over the Top ou pas ? Je l'ai vu 250 fois, je suis imbattable. Over the Top, tu connais ? Stallone. Ah oui, Over the Top, qui ne connaît pas, oui. Casquette à l'envers, hein, avec des rêves. Tu vois, tu te souviens de cette réplique, quand je retourne ma casquette, je deviens une machine. Putain, j'ai envie de chialer à chaque fois que j'entends ça. Ah, putain, quand est-ce qu'on y va? Ah bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je vais te mettre ta race, je te dis tout de suite. Hein. D'office, on se met comme ça. On se met comme ça. Je te prends le truc, je retourne le pouce. Mais il y a quand même une notion de respect quand on parle aux gens, même surtout dans le sport, quoi. Là, on commence à mettre ma race. Je te mets ta race avec respect, hein. Alors là, attends. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, on pourra se respecter sur une table. Bien sûr, moi je suis un roux, j'ai déjà enfoncé des clous avec ma main. Bon, je me suis fait mal, mais je peux le faire. Ah ouais, d'accord. Ça a saigné très fort. Mais je peux le faire. Pas de souci, on peut organiser ça. Par contre, je suis surpris qu'à Quevilly, il y a des féeristes, mais pourquoi pas, quoi, effectivement. Voilà, ça donc. Ça un bon challenge. Ok, donc, ok. Tu vas pleurer, hein, je te dis tout de suite. Sûrement. Bien sûr. Avec respect. Bien sûr, tu vas pleurer, mais tu vas pleurer avec respect, comme dit mon pote. Ouais, exactement. Ouais, on va se mettre notre race, pas de souci. Ah ouais. Oh, ça va être bon. Fais gaffe à toi. Je sens que tu le prends à la rigolade. C'est la façon dont vous me parlez là qui me dérange un peu. Tu vas moins rigoler parce que je le referai bien une troisième fois, mais bon, je me suis déjà fait mal deux fois. Ouais. Mais si je le fais, rigole pas. Ok. Bébert, le roi de fer. Jugulaire, direct. Ah, ça devient agressif alors là. Avec respect. Ah, toujours avec respect. Oh putain, je viens d'avoir la photo. Oh, là, j'ai un pote qui m'a montré ta photo. Qu'est-ce que c'est que cette position, les deux bras comme ça? Position, on dirait Popeye qui a mangé des épinards, hein? Mister Univers. Je l'ai vu là avec ton petit t-shirt blanc là, je l'ai vu marqué. Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire qu'une bouchée. Je crois que je vais te défoncer, mais ouais. Bon, avec respect, bien sûr. Ça va être sale. Toujours avec respect, ouais. Puis c'est qui votre pote derrière vous là? C'est un ferriste aussi, non? Ouais, un ferriste, comme ça qu'on dit? Ferriste. Oui, un ferriste, si vous connaissez le sport, normalement oui. Je te présente, il y a Miko qui est là. Ouais, salut. Salut, il y a Bichette. Fais gaffe à ce nom. Malgré ce nom légèrement efféminé, il était au cœur des événements et des émeutes ce week-end. Un regard, je te défonce. À côté du cœur. À côté du cœur. Il était loin. Mais bon. Qu'est-ce que c'était? Il y a Jeff qui a été Miss Choucroute. Moi, je crache des saucisses d'un coup. Voilà, il y a Stouff. Alors, méfie-toi d'elle parce que c'est pire. Entre deux doigts, elle te pulvérise. Une ouf. Elle, c'est une ouf. Il faut rester au bras de fer de comptoir. Ah, et il y a Bordas. Entre potes, avec vos. Fais pas le malin. Fais gaffe, toi. Et moi aussi, voilà. Donc, tu notes, moi, je m'appelle Koé. Et quand tu veux, Je te mets ta race. On te défonce, je te salis. Mais avec respect. Avec respect, toujours. Je te souille, moi. Je te salis, mon gars. Ça va pas, non? Ça va bien, toi? Ça va pas, tu vas trop loin. C'est pas bien, c'est un bras de fer. Je suis sorti tout seul. Pardon. Non, mais dans le côté du sport. Oui, sportivement, pardon. C'est David qui est en ligne? Oui, David. Oui. Ouais, t'as eu peur de donner ton nom, t'as eu peur que je vienne. Ah, t'as eu peur. David, tout va bien, David. David, je m'appelle Koé. On est sur Énergie. On est en public. Applaudissez-le, David, parce qu'il est en train de faire des pompes. Bravo! David, avec respect, David. Bien sûr. Je me suis défoncé la main deux fois de suite. Mais ça s'est entendu, hein. Tu t'es fait mal deux fois de suite. David, il est où ce club? À Dieppe. Où tu commences à me faire trembler là? J'ai fait peur, bien sûr. Ouais, j'impressionne beaucoup. David, il est où ton club? Il est à Dieppe, ouais, sur le littoral, en Seine-Maritime. Vas-y, c'est quoi? Si les gens veulent venir, il y a un Facebook, il y a un truc, quoi. Faut aimer le bras de fer. Sur Facebook, bras de fer Dieppe, tout simplement. Bras de fer Dieppe, évidemment. Bien sûr, je connais bien. Et voilà, David, tu en fais toi-même ou pas? Oui, bien sûr, oui, depuis peu, mais effectivement, oui, j'en fais, oui. Ah, depuis peu. Depuis quoi, hier ou? Non, depuis le mois de mai exactement, ouais, où le club s'est monté d'ailleurs. D'accord. Et puis voilà, on a démarré avec la mairie de Dieppe qui nous a laissé. Accès à une salle qui est magnifique et on a pu commencer à recevoir les premiers intéressés, les premiers curieux. Est-ce qu'il y a des tables hautes comme dans Over the Top? Il y a des tables hautes avec le truc pour se tenir ou pas? Poignée, ouais. Tout à fait, c'est une table dimension. Tu as une poignée pour te maintenir, tu as ce qu'on appelle des pattes pour poser ton coude. Ah, oui. Et puis c'est comme dans le film, après faut y aller en sécurité. Tu sais quoi, David? Le 14 et le 15, ouais. Je suis en one man à Rouen, David. Non, oui. J'aurais pas le temps de venir. Je te fais un gros bisou. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth. The truth. Oui les amis, ça y est, on est parti pour 10 heures de direct, de 20h à 6h du mat. On est avec toute la famille Énergie, ici en direct, Val de Rugualeau, dans le 16e arrondissement, pour vous faire vivre une soirée exceptionnelle. On est tellement content d'être avec vous, il va y avoir plus d'une centaine de cadeaux à distribuer. Il va y en avoir pour tout le monde, que vous soyez chez vous, à la maison, avec nous, en voiture, que vous travaillez. On va passer un nouvel an exceptionnel, 0800 70 42 48, pour vous amuser. Il va y avoir que des délires, sachez qu'il va y avoir une chasse au trône, là qui va démarrer dans quelques secondes. Deux personnes du public vont devoir aller trouver un trône, c'est-à-dire des WC, hein. Voilà, pour apporter un très joli cadeau. Alors vont-ils le faire? C'est ce qu'on va voir. Et je vous promets, durant cette émission, le prank de l'année, le piège de l'année sera présent, ça va être énorme, on va kiffer. Il va y avoir pas mal d'artistes qui vont défiler, puisque oui, notre public a du talent ce soir. Ouais ouais. Ah oui, je peux vous le dire. Franchement, on a des voyants, on a des mentalistes, on a des imitateurs, on a des humoristes, on a des chanteurs. Et je ne parle pas de Sarah, évidemment. Vous allez voir, on va se régaler. On va refaire toute l'année 2018, les meilleurs moments de l'émission, les meilleurs moments qu'on a passés cette année. Bref, que des kiffs tous ensemble. Et tout ça jusqu'à 6h du matin. Elle est là, elle a tout misé, les j'ai amis. Tout donné. Le public est surpris. Vous la pensiez moins moche. Mais elle est magnifique. C'est Sarah qui est là. Bonsoir à tous, vous êtes chauds ou pas? D'ailleurs, on va démarrer à l'applaudimètre pour savoir un petit peu qui est le préféré chez vous, ici en studio. Tiens, pour Sarah par exemple, est-ce que vous aimez Sarah? Ouais. Ah oui. Ah, ouais. C'est... ah, il y en a un qui fait non avec la tête. C'est qui? C'est le mec de Sarah qui est dans le public. C'est ça. C'est très bizarre. Il est là, ça fait des années, il a pas bougé. Hein. D'ailleurs, il a passé les vacances ici, assis sur la chaise. C'est JM, le marseillais de l'équipe. Ça va, JM? Ça va, Rico? Salut, public! Alors, attends, pour JM, par exemple, comment ça applaudit? Ouais! C'est pas mal. Il y a personne. Au fond, ils s'en battent les steaks de moi, mais ils en ont rien à faire. Hein, t'as pas laissé les pourboires. C'est ça. Pas cette année, Eric Crack. Je vous expliquerai. Ouais. Il est là. C'est le tombeur de l'équipe. Vous l'avez vu dans les dieux du stade. Il est connu plus pour ce qu'il a en dessous de la ceinture que son cerveau. C'est Sylvain le tombeur. C'est le seul gars pour qui il y a des sifflets. Et c'est lui qui siffle en plus. Les gars le tu vois. C'est-à-dire qu'il y a du bruit, mais pour le dire non. Ah ouais. On n'en veut pas les amis, on va refaire en musique toute l'année avec tous les sons qu'on a adoré. Je sais que Sarah, t'as adoré beaucoup de sons. Ah beaucoup. Surtout un titre que j'ai sorti cette année. C'est vrai que t'as sorti un titre avec DJ Sam. Avec DJ Sam, t'as sorti un titre. Écoute, je ne l'ai pas. Merci. Il a tellement cardonné qu'on l'a pas, Sylvain. Je crois que c'est le crash universel de cette année. Ah oui, qui a entendu parler du titre de Sarah là dans le public? Levez la main ceux qui en ont entendu parler. Personne. Ah, oui. Ah si, un peu. Alors, je vous explique, on est une centaine, il y a 4 personnes, ouais, dont la cousine de Sarah. Ça fait beaucoup de monde, les amis, il y a plein de choses auxquelles on va dire au revoir cette année. Ouais. C'est vrai, il y a plein de choses qui ne reviendront pas. Par exemple, les filières L, ES et S, c'est terminé. C'est vrai, ça, il n'y aura plus cette guéguerre au niveau des bacs, à se dire, ouais, moi j'ai fait ES, L, c'est terminé. Mais il y a quoi? Ah, mais j'ai jamais rien compris là-dessus. Regarde. Je crois que... Je me suis arrêté en troisième, moi. Ouais, on l'a compris dans l'addiction. Ouais. Attends, est-ce que tu peux laisser ta addiction en 2018? Je sais pas. Première phrase de l'année. Quoi? Les gars, on ne le comprend pas. J'étais en vacances avant, c'est pour ça. Il faudrait qu'elle revienne. Ça reste à l'aéroport, l'addiction et tout ça. Je pense qu'elle est restée chez le douanier. Ah ouais, il a dû revenir avec des choses illicites, celui-là. Allez, les amis, on est là avec vous jusqu'à 6h du matin. On va kiffer. Et croyez-moi, il y a du très très lourd sur tout ce qu'on laisse. Voilà, en 2018. Ouais. Sarah, peut-être que tu vas laisser ton mec cette année. Non, pas mon mec, mais en tout cas, ma ceinture de chasteté. Je vais faire plus de câlins avec mon mec. S'il m'écoute, promis, cette année, je fais un effort. Ah ben, lui qui a 10h ce soir pour s'en taper une, il va n'importe quoi. Écoute. Drake sur NRJ, les amis. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben. Que tú eres mía.